On va commencer, là. Si vous voulez tourner dans Thessaloniciens 1, 4. Nous allons commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, comme on parlait les minutes qui viennent de passer, on avait des idées de toutes sortes, de toutes les couleurs, de toutes les dimensions. Mm-hmm. On avait des idées, certaines des demi-vérités, certaines des mensonges. Mm-hmm. Mais ta parole est là pour clarifier, mm-hmm. pour enlever le mauvais, pour enlever le mensonge, pour enlever ce qui est faux, en ce qui te concerne, toi surtout, mm-hmm. en ce qui concerne ta personne, ton plan, ton éternité. Et on veut lire les Écritures pour qu'on puisse bien saisir quel est ce Dieu qui a créé l'univers. Pourquoi l'a-t-il créé? Qu'est-ce qu'il veut atteindre par tout ça? Donc, on te demande que ce qu'on va parler aujourd'hui va nous aider à bien comprendre tout ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donc, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, il faut se souvenir que l'auteur, à qui il s'adresse, il y a une grande différence si Paul parle aux Corinthiens, ou s'il parle aux Thessaloniciens, ou s'il parle aux Romains. Donc, il y a des différences dans ça. Donc, l'épître des Thessaloniciens, dans les trois premiers chapitres, on n'a pas vu de négatif par rapport à l'Église. Dans ce chapitre 1, Paul loue une église pour l'œuvre de leur foi, le travail de leur amour. Il les loue parce qu'ils ont une fermeté dans l'espérance qu'ils attendent. Il leur dit que je sais que vous êtes des élus parce que vous avez imité Jésus, vous vous êtes convertis à Dieu, vous avez abandonné les idoles. On voit du positif dans le chapitre 1, comme son. Même le premier chapitre, il parle qu'ils sont devenus des modèles pour toute l'Achaïe, toute la Macédoine. Donc, c'est une église à imiter. Et dans le deuxième chapitre, on a vu qu'un Paul qui présente, lui, ce qui se souvient de ce qu'il a fait là-bas, pendant qu'il était là-bas avec eux autres. Il leur parle, il leur dit, « Je me suis présenté chez vous, rempli d'assurance par rapport à Dieu, qui m'a redonné des forces pour que je me rende chez vous, que je vous parle. » de l'Évangile sans la transformer pour éviter des tribulations. Je vous ai présenté l'Évangile tel que je l'avais reçu du Seigneur Jésus. Parce que lui, il pouvait dire ça parce que c'est à Jésus puis loué. Tu sais, dans le sens que il y en a qui vont dire qu'il y a eu plein de traductions, ça a été changé la Bible. Et il dit non, non, moi je l'ai eu, je l'ai entendu puis je vous l'ai dit tel que je l'avais reçu. Ça, des fois, il va dire tel que le Seigneur m'a dit. Des fois, il va dire ce n'est pas le Seigneur qui m'a dit ça, c'est moi qui vous dis ça. Donc là, des fois, il va faire une différence entre ce qu'il a reçu directement du Seigneur Jésus dans ses visions, dans ses apparitions, puis des fois, il va dire qu'il va écrire, mettons, plutôt comme, mettons, comme Marc, qui n'a pas connu Jésus, ou comme un autre écrivain du Nouveau Testament qui n'a pas connu Jésus. Donc, il parle, il est inspiré quand même, mais il ne parle pas qu'il y a eu une révélation directe de la part de Dieu. La plupart des écrivains du Nouveau Testament n'ont pas beaucoup eu de révélation directe, je dirais, à part peut-être Apocalypse, qui est une révélation pas mal directe. Vous voyez la différence. Révélation, Dieu me parle directement à moi. S'il ne me le dit pas, je ne peux pas le savoir. Et l'inspiration, c'est qu'il te guide dans ce qu'il était en train d'écrire, de ce que tu sais, de tes souvenirs, de ce que tu as entendu de Jésus, ce que tu as entendu des apôtres, comme Luc, mettons. Il est allé voir les témoins oculaires, il est allé voir les gens qui ont vécu avec Jésus, il est allé voir probablement Marie, Joseph, il est allé voir les témoins oculaires de ces événements-là. Et lui, il va écrire une histoire de 40 ans. Il est inspiré, il est guidé par Dieu pour mettre sur le papier ce que Dieu voudrait bien passer comme message. Parce qu'il y a bien des choses que Luc n'a pas dit, vraiment. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, c'est plutôt une inspiration qu'une révélation. Donc, quand Paul a parlé à Jésus, direct, c'était de la révélation. Mais quand il a écrit l'Épître aux Thessaloniciens, il a été inspiré par Dieu. Donc, Paul leur dit que pendant qu'ils étaient chez eux, qu'ils avaient eu une conduite exemplaire, une conduite irréprochable, qu'il leur avait transmis les Écritures d'une façon claire, précise, sans fraude, sans paroles flatteuses, sans équivoque. Je vous ai donné la Bible, l'Évangile de Dieu tel quel, pur et dur. Et je ne l'ai pas fait pour la gloire, je ne l'ai pas fait pour l'argent, je ne l'ai pas fait pour toutes sortes d'affaires. J'ai été chez vous d'une façon irréprochable. C'est pour ça qu'il peut dire, on a vu un peu la semaine passée, vous êtes devenus mes imitateurs et vous avez appris de moi comment vous conduire. Vous m'avez vu agir, vous m'avez vu faire. Ça ne fait pas de lui un sans-péché, ça fait de lui quelqu'un qui vit l'Évangile. On va en parler un peu tout à l'heure, mais quand on parle du repas du Seigneur, quand Pierre a décidé de faire de quoi qui ne reflétait pas l'Évangile, Paul le reprend tout de suite. Et donc, ton comportement, Pierre, ce que tu fais, pas ce que tu dis, ce que tu fais ne reflète pas l'Évangile que tu prêches. Donc, je te reprends. Voyez-vous, là, tu peux, ce que Paul est en train de dire, ici, vous m'avez vu agir et ça reflétait ce que vous avez vu prêcher. Donc, je voulais vous les montrer, ça. Donc, vous savez maintenant comment voir la théorie et aussi la pratique. Tu sais, on vous avait déjà dit à vos enfants, regarde-moi faire. Fais comme je fais. On n'a pas juste dit, on nous a demandé de regarder, de voir. Donc, c'est... Et dans le troisième chapitre, Paul parle, après avoir eu des nouvelles par Timothée, il dit, « Ah, je respire maintenant, je vis parce que je sais que vous avez gardé la foi et que vous avez gardé l'Évangile que je vous avais transmis. » Donc, mais il dit, « Je vous envie Timothée qu'il va vous affermir. Moi, je prie pour pouvoir aller et compléter votre foi. » Et je prie Dieu, que Dieu vous affermisse lui-ci à travers tout ça. Donc, on voit que ce n'est pas une église qui a abandonné, ce n'est pas une église qui est tout croche, c'est une église qui a besoin d'être affermie. Donc, ce n'est pas comme certaines épîtres qu'il va écrire, qui doit leur dire, vous devez virer le bord. Là, vous êtes dans le champ de patates, là, vous allez écouter des faux prophètes, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Mais ce n'est pas ce qu'on ressent dans l'église, quand on lit l'épître des Thessaloniciens. Donc, quand on arrive au chapitre 4, il faut tenir compte de ça. C'est une église qui fonctionne. Ce n'est pas une église qui a arrêté de fonctionner, ou ce n'est pas une église qui est partie de travail. Là, qu'on va voir dans d'autres épîtres, où est-ce que les auteurs vont vouloir ramener l'église, comme les Galatiens. Ils disent là, vous êtes en train d'adhérer à un autre évangile, et si vous adhérez à un autre évangile, vous êtes anathème toute la gang. Vous, là, ce n'est pas pareil, là. C'est que voici une église à qui il parle qui est en train d'abandonner la foi ou l'évangile tel que transmis par Paul. Il dit, vous faites ça, vous êtes perdu, là, les gars, la gang. Il fait la même chose avec l'épître aux Hébreux. Il dit, oh, si vous allez dans cette direction-là, vous êtes perdu, là. Revenez de bord, là. Abandonnez pas l'évangile. Donc, la pratique de la vie chrétienne doit refléter ce qu'on annonce, l'évangile annoncé. Donc, les deux vont aller ensemble. C'est quand les deux ne font pas bonne paire, je ne sais pas si c'est une expression française, qui ne sont pas le reflet l'un de l'autre, c'est là que les problèmes commencent, dans la vie personnelle et dans la vie d'église et dans la vie. Je suppose que vous avez entendu parler depuis une dizaine de jours, il y a un réveil aux États-Unis présentement, qui est commencé dans une université chrétienne, Asbury, si je ne me trompe pas. Et là, tout le monde parle, si tu veux, si tu pas veux, si tu es un vrai réveil, si tu pas un vrai réveil. Puis là, partout au travers des États-Unis, on s'en va là pour voir le réveil qui s'est produit. Tout le monde parle de ça, là. Ça fait une dizaine de jours dans les médias chrétiens, guillemets, là, dans le monde des chrétiens. Donc, c'est un gros événement, là. Tout le monde se demande. Il y a des chrétiens qui applaudissent ça, puis qui louent Dieu, puis d'autres chrétiens qui sont un peu sceptiques, se demandent si c'est vraiment la bonne affaire. Donc, c'est quelque chose que, comment on va savoir si c'est ça, si c'est vrai, si ça vient de Dieu? Comment on va comprendre ça? Donc, il y en a qui disent c'est ça, mais c'est quoi leur critère d'analyse? Il y en a qui disent c'est pas ça, c'est quoi leur critère d'analyse? C'est-tu juste leur expérience? C'est-tu juste leurs émotions personnelles? Puis, hier, j'étais chez mon garçon, puis on était trois générations de chrétiens, là, entre guillemets. Moi, mon fils Benjamin, professe la foi, et mes deux petites filles qui étaient là. Et les autres aussi professent la foi, étaient baptisées. Là, j'ai fait exprès, j'ai lancé le couteau. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous savez ce qui se passe aux cités? Ils savaient, toute la gang savait que c'était Benjamin. Benjamin à la campagne, c'est moins un peu. Les deux petites filles étaient au courant de ça. On s'est même en parlé, puis on a bien vu que trois générations, ça n'a pas la même opinion. Ça n'a pas la même opinion, même si on est dans la même famille, dans le même groupe d'église baptiste ou évangélique au Québec. On n'a pas la même philosophie de la vie chrétienne. Donc, pour nous autres, c'est qui lisons Thessaloniciens, donc faut qu'on a vu qu'il faut s'affermir avec les vérités bibliques, avec ce que Paul a dit comme enseigné. Quand on arrive au chapitre 4, ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière, qu'on a commencé à voir, Paul encourage le progrès. D'aller de progrès à progrès. Puis il y a trois choses dont ils vont parler de ça. Il y a trois domaines. Le progrès dans la conduite qui plaît à Dieu, le progrès dans l'amour fraternel et le progrès dans l'espérance, qu'on va voir aussi. Donc, de faire du progrès. Et le progrès est utile dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ. Je lisais les épîtres de Timothée cette semaine, et Paul il dit à Timothée, « Fais que tes progrès soient visibles pour tous. » Il dit, « En faisant ainsi, tu vas te sauver toi-même et tu vas sauver ceux qui te suivent. » C'est des paroles assez étranges, des fois, dans nos langages à nous, les évangéliques. Non, je ne sais pas de quoi il parle. Tu vas te sauver toi-même. De quoi tu vas te sauver? Tu vas sauver ceux qui te suivent. Mais si on comprend tout l'épître, c'est plus facile à saisir. Mais ce que je voulais juste te faire ressortir, c'est qu'il dit, fais que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, ce n'est pas juste aux Thessaloniciens qui dit de faire du progrès. Il dit régulièrement. Donc, c'est dans les autres épîtres aussi. Donc, on a vu qu'il dit, j'aimerais que vous fassiez du progrès dans votre conduite que vous avez appris de nous, comment plaire à Dieu. Donc, encore une fois, il n'est pas en train de vouloir encourager quelqu'un à faire de quoi, mais aller plus loin dans ce qu'ils font déjà. OK? Ils le font déjà. Donc, c'est pas... Il faut bien comprendre ça. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un qu'il ne le fait plus, ou qu'il ne veut plus le faire, ou qu'il a abandonné de le faire, puis là, je donnerais des trucs ou des principes, c'est quelqu'un qui le fait, je te dis, fais le mieux, il y a encore plus. Donc, et ça nous amène à comprendre les textes un peu différemment. Donc, c'est pas une église en crise, c'est pas une église en difficulté spirituelle, on pourrait dire. Et c'est ça qui m'amène à comprendre dans l'ensemble de l'Épître que le progrès est utile pour pouvoir attendre le Seigneur Jésus-Christ. Le statu quo n'est jamais bon. Ce discours n'est jamais bon. Donc, c'est le progrès. Il faut avancer. Vous avez tous un peu de l'informatique chez vous. Si vous ne faites pas vos mises à jour, là, votre ordinateur va planter. Jour là, c'est une question. Il faut suivre le progrès de l'informatique pour pouvoir fonctionner. Parce que le monde change. Puis sinon, tu dis, moi, je ne change pas. Je garde ma tablette. Un matin, je parlais avec ma soeur. J'y avais une tablette à Pierre, puis elle dit, ça ne marche plus. Il dit, ouais, t'es bonne à mettre dans la poubelle si Pierre était vivant quand tu l'as eu. Pierre, c'est comme une secousse qui est mort. Donc, ça veut dire que ça t'a fait peut-être 15 ans, peut-être plus. Donc, il dit, tu fais-tu tes mises à jour? Ah, tu sais quoi, c'est des mises à jour? J'ai dit, OK. Donc, je veux dire, et je crois que dans l'Écriture, dans la connaissance des Écritures, il faut faire du progrès. Puis, une des raisons qu'il faut le faire, c'est que la société autour de nous change aussi. Et le diable aussi sait où il allait nous chercher. Nous, la société va nous emmener. Puis nous aussi, on change. Oui, on en même temps. On grandit, on a besoin de mettre des pendules à l'heure. Oui. Mais si je le prends dans la fonction d'attendre, comme on va voir, il y a un paquet de chrétiens dans l'histoire qui ont switché vers l'évolution quand c'était présenté par Darwin. Ils n'ont pas été capables de faire du progrès et d'être capables de dire non à Darwin, on n'en va pas là-dedans. Surtout, il est arrivé une nouvelle chose dans la société qui les a mis en doute tout d'un coup que Dieu était le créateur de ça en six jours. Ils n'ont pas été capables de passer par-dessus, ils ont embarqué dans le système de l'évolution. C'est ce que je veux vous dire. La société va nous emmener des arguments. Tout à l'heure, Chantal a parlé, on vient des étoiles. Là, ils nous emmènent des arguments scientifiques qui semblent avoir de l'allure. Mais je vais-tu être capable de faire face à ces nouvelles choses qui apparaissent autour de moi? Je vais-tu être capable de répondre à mes enfants qui arrivent avec le transgenre, qui arrivent avec toutes sortes de choses de la maison? Si je n'ai pas fait de progrès, je suis encore dans mes balbutiements de nouvelles créatures, ben je vais avoir bien de la misère à répondre à leurs questions. Donc, il faut que j'évolue. Moi, je dis tout le temps, gardons-nous en avant. Tu sais, je disais aux gens que je formais pour prendre la relève, tout ça, je disais, reste toujours en avant de tes disciples. Si ils ont le malheur de te dépasser ou de t'égaliser, t'es fait à l'os. Parce que là, t'as plus d'autorité, là, puis t'en sais moins. Je me souviens, on a vécu ça avec M. Connois, moi, pour Benoît Rancourt. Un moment donné, M. Connois était rendu bloqué. Il dit, moi, j'ai pas de réponse à vos questions. Allez à Sambec. On avait rejoint le maître, on avait même dépassé. Pas dans notre spiritualité, on n'était pas meilleur chrétien. C'est juste que notre connaissance était rendue plus haute que lui, puis il ne pouvait pas répondre à nos objections ou à nos questions. Parce qu'à un moment donné, on a rencontré un prof qui nous disait que le déluge était partiel. Le déluge n'avait pas recouvert la terre en entier. Puis il y avait des bons arguments. C'est un chrétien, un doctorat en hébreu. Puis l'Ancien Testament était écrit en hébreu, puis lui, il disait que l'hébreu, lui donnait raison là, là-dedans. Nous, on écoute ça, on était Puis moi, j'ai pas de réponse à l'hébreu, là. Tu me dis l'hébreu, dis ça. Tu dis, Si l'hébreu dit ça, moi, je la connais pas, l'hébreu, là. Fait que là, tu dis, là, on arrive à Terre-Ville pour dire, comme moi, hey, le prof nous a enseigné un déluge partiel. Il était pas de bonne humeur. Il avait pas de réponse à donner. Il était dépassé, là. Il n'y avait plus de réponse à donner. C'est pour ça que nous, il faut aller de progrès en progrès, pour être capable de répondre à nos folies à nous autres, premièrement, nos propres folies à nous autres, et la folie de la société. Puis, comme on est tout à l'heure, les chrétiens viennent de partout. Puis là, c'est ce que je parlais un petit peu avec la petite fille. Il y a des chrétiens de toutes les églises dans cette église-là. Dans cette église-là, il y a des chrétiens de toutes les églises. Là, où ce qu'il y a à l'église, là, c'est du monde de partout qui viennent là. Ils ont toutes des idées différentes là, sur bien des sujets. Que qu'est-ce qu'ils font? On n'en parle pas, on parle juste de l'amour de Jésus. On ne parle pas de ses affaires. Ça l'amène à quoi? À se laisser influencer, on y devient vulnérable. Il ne faut pas sous-estimer l'ennemi. Si vous êtes en danger, si vous sous-estimez que Satan peut vous planter avec ses mensonges. Donc, d'autres, il faut s'équiper de vérité pour pouvoir, on va voir un peu plus loin, tu vois, aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, ou demain, ou la semaine prochaine, il va dire, vous avez revêti la cuirasse de la foi, la cuirasse de l'amour et le casque de l'espérance. C'est toutes des armes défensives, ça. C'est pas des armes offensives. Tu te bats pas avec ta cuirasse, mais tu te protèges avec la cuirasse. Le casque, si tu te protèges aussi, tu n'attaques pas avec ton casque. Ton casque est là pour te protéger quand les coups arrivent. Mais il dit, vous êtes équipé d'une cuirasse. C'est ça que j'ai besoin pour me défendre. Donc, c'est dans ça qu'il faut faire du progrès. Là, parce que là, on va venir m'attaquer de toutes les bords. Donc, il faut que je m'équipe d'une bonne armure. Je pourrais dire ça comme ça, comme l'Éphésien nous a dit, de revêtir l'armure. Parce que nous, on combat contre des autorités. L'épée, c'est offensif. C'est pas défensif. Il y a des outils qui sont défensifs qu'on appelle. C'est des images. Mais c'est dans ce sens-là. Donc, Paul lui dit, vous avez appris de moi, de nous, comment vous conduire et plaire à Dieu. Puis là, il a donné des préceptes. Il a donné 3-4 préceptes que vous avez été appelés à la sanctification, vous avez été appelés à la sainteté, vous avez été appelés à être avec Dieu, à servir Dieu. Vous n'avez pas été appelé à l'impureté la débauche et tout ça de nom. Donc, vous avez été appelé à la sainteté. Quand moi j'entends le mot sainteté dans ma tête, pour moi maintenant, ça n'a pas toujours été le même tout au long de la vie chrétienne, quand j'entends le mot sainteté, surtout ici dans le texte, c'est que je suis à part du monde dans lequel je vis. J'ai été placé dans le temple comme on plaçait des autels, comme on plaçait des ustensiles, comme on plaçait des choses dans le temple, ils ne sortaient plus jamais de là. Il y avait juste une utilité, ces choses-là, c'était de servir Dieu. C'est ce qu'on appelait rendre un autel saint. C'est ce qu'on appelait rendre des ustensiles saints. On rentrait des gens au service de Dieu dans le temple. Puis nous, on est le nouveau temple. L'Église, c'est le nouveau temple. Et nous, on est les prêtres. Hein? Pierre nous a dit, vous êtes un peuple de prêtres maintenant. Qu'est-ce que ça fait un prêtre? Ça sert son Dieu. Tu n'as pas d'autre chose. Ça sert son Dieu. Donc, nous, on est ce nouveau peuple dans un nouveau genre de temple, dans une nouvelle façon de fonctionner, mais on est, c'est ça qu'on appelle la sainteté. Nous, on a souvent tendance à la sainteté, on pense aux saints catholiques. C'est ça qu'on pense dans notre tête, si on a été élevé de même. Les grands saints, ou les saints qui font quasiment pas de péché, mais c'est pas ça que l'apôtre Paul parle. Donc, c'est moins important ici que vous compreniez le comment vous allez le faire que le besoin de le faire. Le besoin de faire du progrès. Donc, c'est pas comment je vais faire ça. D'abord, il faut être convaincu par Dieu, par les Écritures, il faut que je fasse du progrès. Là, après ça, je peux me poser des questions dans quel domaine, pourquoi, comment je vais le faire avec. Je suis un homme, je suis une femme, avec les dons que j'ai. Comment est-ce que je vais faire du progrès dans ma vie chrétienne? Et comment je vais pouvoir mesurer le progrès que je fais? C'est toutes des choses qu'on peut faire en tant que chrétien, mais la plupart du temps, on n'a pas été convaincu par Dieu qu'il faut faire du progrès. On s'est plutôt contenté du statu quo. Donc, on a une vie chrétienne qui est devenue un peu monotone, un peu égale. On a resté là. On a l'impression que si on reste là, on est correct. Mais ce n'est pas tout à fait ça que les Écritures nous parlent. Il faut être convaincu premièrement, qu'il faut faire du progrès. Et dans la vie, dans d'autres épîtres, on pourrait dire, je fais du progrès pour l'utilité que ça peut avoir à l'intérieur de l'Église et moi, de comprendre la personne de Dieu, de comprendre le plan de Dieu. Mais dans l'épître aux Thessaloniciens, il donne une angle différente, c'est pour attendre le Seigneur Jésus. Le progrès est utile, non pas pour juste vivre ma vie chrétienne, mais pour attendre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est le but que Paul leur dit ça ici. Faire du progrès pour pouvoir attendre le Seigneur Jésus-Christ. Là, on va voir un autre domaine, au verset 9, dans quel domaine il faut faire aussi du progrès. Vous vous souvenez les trois qu'on avait vus au début? L'œuvre de la foi, le travail de l'amour, et la fermeté de l'espérance. Mais il va revenir avec ces trois thèmes-là ici, faire du progrès dans les trois domaines. Donc, là, on a vu de la foi, l'œuvre de la foi, de mettre en pratique la foi. Là, on va voir le travail de l'amour, l'autre domaine, l'amour fraternel. Donc, on va lire ensemble à partir du verset 9 et jusqu'au verset 12. Michel, veux-tu commencer à lire, s'il vous plaît? Chapitre 4, François. Oui, c'est là qu'on était, nous autres. Ok, j'espère. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Merci. Est-ce quelque chose qui vous frappe dans ces quelques versets-là? Est-ce quelque chose qui vous chicote un peu? Vous interpelle? Bien, c'est d'abord une conduite honnête que Dieu le suit du dehors. Okay, donc, il parle de l'amour fraternel, mais pour ceux du dehors. C'est intéressant. Mais c'est pas la première fois, parce qu'il dit pas, le moment de l'argent, où ce qu'il dit, vous reconnaîtront à l'amour que vous portez les uns pour les autres. Mm-hmm. C'est pas un peu dans cette. Non, c'est pas tout à fait. Pas tout à fait le même contexte, mais. Mais en fait. L'autre, Jésus s'adresse à des gens qui ne sont pas encore croyants, donc les amène à vouloir. Il dit, ils vont vous reconnaître, les gens, que vous êtes mes disciples, si vous agissez comme moi, si vous aimez comme je vous ai aimé. Donc, c'est l'amour que vous avez pour les autres, les gens vont savoir que vous êtes des disciples de Jésus. Ici, ce n'est pas tout à fait le même but qui leur demande. Mais on va voir ça. Ça, c'est une chose, tu as vu quand même, c'était un petit peu comme bizarre qu'ils nous demandent ça. Alors, vous remarquez que dans la première exhortation au progrès, si vous avez appris de nous, et si vous avez appris de Dieu, donc il y a deux choses différentes. Un, c'est Paul qui était le modèle, avec Silas et Timothée. Vous avez appris de nous comment vous conduire. Puis ici, vous avez appris de Dieu à vous aimer. Donc, le prof ici, c'est plus Paul, c'est plus Silas et Timothée, c'est Dieu lui-même. Intéressant. Pourquoi il n'a pas dit, pourquoi il n'a pas juste dit, comme le premier, vous avez appris de nous comment vous aimer les uns les autres. Mais il ne dit pas. C'est ça qu'il dit. Donc, il dit, vous avez appris de Dieu. Là, on peut se poser la question, comment ont-ils appris ça? Qu'est-ce qu'ils ont appris de Dieu? Ils ont pris à s'aimer les uns les autres. Mais comment ont-ils appris ça? Juste que Dieu leur a dit, par Paul, aimez-vous les uns les autres. Bon, vous avez appris de Dieu. Ça ne nous en dit pas beaucoup. Donc, vous avez entendu, là, on pourrait dire, vous avez entendu de Dieu que vous devez vous aimer les uns les autres. Là, ce n'est pas tout à fait ça. Vous avez appris à vous aimer. Donc, il y a une forme d'action. Vous avez appris à vous aimer. Donc, c'est Dieu qui leur a appris à s'aimer les uns les autres. Puis, il prend le temps tout de suite de dire après, c'est aussi ce que vous faites dans toute la Macédoine. Donc, il avait appris la leçon, il avait appris de Dieu à s'aimer les uns les autres, et c'est ça ce que vous faites, et vous le faites dans toute la Macédoine. À un tel point que Paul il dit, on n'a pas besoin de vous en décrire, nous autres on n'a rien à vous dire de plus là-dedans, vous avez appris de Dieu comment faire, mais il dit, tout ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous devriez le faire plus. Il dit, vous devriez le faire de plus en plus. Okay? C'est comme ça qu'il dit, hein? Il dit, abondez toujours plus dans cet amour. Donc, vous le faites, vous l'avez appris de Dieu, vous le faites déjà, mais vous devriez le faire encore plus. Oui, c'est encore le même procédé du progrès. C'est pour ça que je vous dis que c'est l'idée de l'auteur ici, c'est le progrès qui est l'idée. Il n'est pas en train de dire, vous ne savez pas, vous savez, mais il dit, vous devez aller plus, vous devez le faire. Mais comment ont-ils appris de Dieu à s'aimer les uns les autres? Puis eux autres, ils ont transmis ça, ils ont appliqué ça dans toute la Macédoine. Donc la Macédoine, ça comprend plusieurs villes. Vous avez l'église de Philippe, vous avez l'église de Thessalonique, vous avez différentes églises dans cette même région. Si vous allez dans vos cartes, vous regardez la Macédoine, vous allez voir qu'il y a plusieurs petites villes qui sont là, qui n'ont pas commencé des églises. Donc il dit, vous avez appris à aimer les frères et sœurs de toute la Macédoine. Donc, nous, c'était déjà beau. C'est déjà, il me semble, acceptable. Mais Paul n'aime pas le statu quo. Paul n'aime pas que les gens restent stagnants. Donc, il dit, je vous encourage à aller plus loin dans cette forme d'amour. On passe à, parce qu'elle est bloquée, elle ne marche plus. Là, quelque chose qui... Qu'est-ce qui est mentionné après? Qui va être le sujet du progrès? On va peut-être pas, peut-être que oui. Mais la question qu'on pourrait se poser en premier, c'est comment ont-ils appris de Dieu à s'aimer les uns les autres? Comment est-ce que Dieu a convaincu les Thessaloniciens qu'ils devaient s'aimer les uns les autres? Comment Dieu s'y est pris pour le faire? Comment est-ce qu'il nous a montré ça? Pas juste dire ça, mais montrer ça. Tu peux dire à tes enfants, tu devrais aimer ta petite sœur, mais ils vont te regarder, toi, ce que tu fais avec ta petite sœur. Tu sais, qu'est-ce que tu fais, papa, toi, avec la petite sœur? Qu'est-ce que tu fais, papa, avec le petit gars, là? Ils vont te regarder faire. Si toi, tu dis d'aimer ma petite sœur, tu dois être capable d'aimer toi aussi, tu vas te regarder faire aussi. Mais comment Dieu a-t-il montré? C'est ça, parce que là, tout d'un coup, nous autres, ça devient un peu comme... Un petit peu comme, Dieu, as-tu fait de quoi? travers ce qu'ils ont reçu à travers Paul et les autres disciples qui se sont, qui les ont évangélisés, qui leur ont enseigné. Là, je ne comprends pas, tu veux dire? Ben, ils ont appris, ils ont vu l'amour de Dieu à travers, à travers l'enseignement de Paul, à travers l'attitude de Paul envers eux. Mais ce serait Paul, est-ce qu'il serait encore l'exemple? C'est ça qu'on avait vu la semaine passée, hein? C'est comme c'était eux qui servaient de modèle, tandis que là, ils ne mentionnent pas eux, ils mentionnent Dieu. Wow. Mais eux autres sont devenus des modèles, on le voit au chapitre 1, mais en même temps, l'apôtre Paul, il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous en parle. Vous avez appris de Dieu, vous aimez. Donc, ça voulait dire que Paul voyait en chez eux. L'esprit? Non? Moi, je vois Dieu ici. Là. Je vois pas l'esprit. Ben, l'esprit, c'est pas Dieu, là. Oui, oui. Oui, mais prenons le texte. Si c'est Dieu, c'est le mot Dieu. Le Dieu trinitaire, on va dire. Mais ça serait plus visible à nos yeux. Ouais. Mais qu'est-ce que Dieu a fait dans toute la Macédoine que les croyants pouvaient voir? Il les a sauvés. Voilà. Il a vu que Dieu sauvait des gens partout dans toutes les villes. Ils ont vu ça parce qu'ils ont vu la transformation sur tous ces gens-là. C'est les Juifs, les Macédoniens, les Philippiens. Ils ont vu les gens transformés. Ils ne voient pas Dieu, mais ils voient l'œuvre de Dieu dans la personne. Vous dites, oh, Dieu a sauvé, lui a sauvé, elle a sauvé. Dieu, s'il les a sauvés, il les aime, ces gens-là. Si lui, il les aime en les sauvant, moi, je dois aussi les aimer. Aussi. Donc, je ne peux pas rejeter celui que Dieu aime. Vous avez appris à aimer comme Dieu aime. Et Dieu aime tous les enfants de Dieu. Donc, il dit, vous autres aussi, vous allez aimer tous les enfants de Dieu. Et vous allez les aimer comme Dieu. Donc, si je veux faire comme Dieu, c'est qu'est-ce que je vais faire? Je vais vivre l'Évangile avec eux autres. Je vais les encourager à rester dans l'Évangile. Je vais les encourager à marcher avec Dieu, d'attendre Jésus-Christ. C'est ça que je vais faire. Parce que c'est ça que Dieu fait dans la vie des croyants. Dieu fait ça dans ma vie. Donc, il fait ça dans la vie des autres. Et je vais vouloir, moi, participer à cela avec Dieu. Si moi, ce que je regarde, ce que Dieu fait en Roger, c'est ce que la Bible me dit, voici ce que Dieu va faire dans tous les croyants. Moi, je veux participer à ce que Dieu est en train de faire dans la vie des croyants. Je veux y participer avec mes capacités, mes dons, mes talents. Je veux participer à ce que Dieu est en train de faire dans la vie des gens. C'est ce que Paul va dire d'ailleurs. Vous êtes des co-ouvriers avec Dieu dans la maison de Dieu. Dans la vie. Donc, moi, je suis un co-ouvrier avec Dieu, mais comment je vais savoir à quoi Dieu travaille? Si je veux travailler avec Michel sur quelque chose, il va falloir que je sache ce que Michel est en train de faire. Si je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, bien, je ne peux pas m'accoter au côté et travailler avec lui, je ne sais pas. Mais si je sais ce qu'il est en train de faire, je vais dire comment je pourrais participer à ce que Michel est en train de faire. Et souvent, ce que l'Église, c'est comme je disais cette semaine à quelques reprises, je deviens étourdi, des fois, je ne sais plus ce que je l'ai dit. Pardonnez-moi. J'ai dit, la majorité de la vie du chrétien, à 80%, 90% même, la vie chrétienne se vit dans l'Église. J'ai été équipé pour vivre dans l'Église. J'ai été équipé pour aider l'Église. J'ai été équipé pour soutenir l'Église, encourager l'Église, fortifier l'Église, compléter la foi de l'Église. Affermir l'Église. Les chrétiens, c'est un peuple qui s'encourage et quand ils sont dans le monde, ils font ça dans le monde, puis ils deviennent des lumières dans le monde. Mais la majorité de la vie de l'Église, ça se fait dans l'Église. Pas bien, bien dur à comprendre. Hein? Comment je vais participer à une construction? Ben, il faut que je sois sur le chantier de construction. C'est là que ça se passe. Hein? Alors, de temps en temps, je vais coucher chez nous, mais la grande partie de ma vie va se passer sur le champ de construction, parce que c'est là que je travaille. Et le chrétien est équipé pour vivre dans le peuple de Dieu. Mais entouré d'un monde de ténèbres, entouré d'un monde qui n'est pas pour Dieu. Mais l'Église, elle est équipée pour ça. C'est pour ça qu'on forme un corps. Donc, la main est utile, premièrement, au corps, pas à l'étranger. Elle est utile, premièrement, au corps, ou le pied, ou la main, ou les oreilles, ou je ne sais pas quoi, quelle partie du corps qu'on est. Mais je suis là pour le bien-être du corps. Et le corps, c'est l'Église. Et la tête, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ prend soin de son Église, comment? Par l'Église. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, moi, je me dis, ben, OK, je suis dans un peuple, et maintenant, je dois travailler avec ce peuple-là. Pourquoi je travaille avec vous? Parce que c'est que Dieu vous aime. Puis, il m'aime moi. Donc, Dieu nous a aimés, chacun de nous, il nous a mis ensemble, et vous allez maintenant vous encourager, vous fortifier, vous aider à persévérer jusqu'à temps que je vienne nous chercher. Donc, c'est ça le but de l'Église. Donc, quelle part est-ce que je prends, chacun de nous, quelle part est-ce que j'ai à jouer là-dedans pour pouvoir aider l'Église, qui elle-même va m'aider aussi en retour, pour que je puisse attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ dans la foi et dans l'Évangile, jusqu'à temps qu'il me revienne. Et à travers tout ça, ben oui, je vais être en contact avec des inconvertis, tu sais, connect, je vais leur partager ma foi. Mais nous, on a changé dans notre culture, puis je pense que vous avez vécu à peu près la même chose que moi dans les années 80-90. L'Église était là pour le monde, pour atteindre le monde. Le but de l'Église, c'est l'évangélisation. C'est pas vrai. Le but de l'Église, c'est de servir Dieu dans un monde de non-croyants. Donc, c'est « je sers Dieu » et dans ce mouvement-là, dans cette façon de vivre-là, parce que si je serais... Parce qu'entre moi et vous, là, dans le ciel, là, il n'y en aura plus d'inconvertis, on va savoir ça depuis quoi faire. Si on est là pour les inconvertis, on va faire quoi? Il n'y a plus d'inconvertis dans le ciel, on ne fera plus rien. On va s'ennuyer en mort. Mais non, on va être là pour Dieu, on va continuer à faire ce qu'on faisait sur la terre. Dans un monde où il va y avoir juste de la lumière, il n'y aura pas de ténèbres. Donc, on va continuer à servir notre Dieu là, en faisant ça. Mais nous, Dieu nous a laissés dans un monde de ténèbres, et cette lumière qui est là dans le monde des ténèbres, bien, elle va influencer certains gens, puis ils vont venir se joindre au groupe, ils vont venir se joindre au peuple de Dieu. OK? Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, il dit, vous vous aimez les uns les autres, vous le faites déjà dans toute la Macédoine. Je dis, moi, Dieu, je vous ai montré à quel point j'aime les gens, j'en ai sauvé tout autour de vous. Donc, je les aime, ces gens-là. Vous savez ce que j'ai fait. J'ai envoyé mon fils, je m'ai incarné, je suis mort à la croix. Vous savez ce que j'ai fait pour tous ces gens-là. Donc, vous autres, vous avez appris de moi comment aimer les gens. Donc, aimez-les à votre tour. Donc, c'est comment... Vous savez, j'ai déjà utilisé l'exemple, il me semble. Il y a des personnes que j'ai jasées des fois, qui sont des personnes seules, avec des enfants. Puis quand ils veulent se trouver un conjoint, ils essaient de faire bien sûr que le gars qui s'en vient ou la fille qui s'en vient aime les enfants. Ben, tu ne vas pas m'avoir si tu rejettes mes enfants. Là. Ben non, on n'acceptera pas ça. Là, pourquoi? Parce que c'est nos enfants. Donc l'Église, c'est un peu comme ça. On est tous membres de la même famille, du même corps. Donc il y a cette besoin mutuel de fonctionner. Plus j'avance, plus je m'aperçois que je ne pourrais pas toffer tout seul. J'ai besoin d'un monde autour de moi qui va m'aider à faire ça. C'est essentiel dans les Écritures. Et c'est pas pour rien que Dieu nous a mis en corps, nous a mis en troupeau, nous a mis ensemble, en peuple, parce qu'il sait bien que tout seul, on ne pourra pas passer autrement. Là, il commence à dire, mais, au verset 10, « Mais nous vous exhortons, nous vous encourageons à abonder toujours plus dans cet amour. » L'amour que vous avez pour les frères et sœurs dans toute la Macédoine. Donc, vous allez les aimer de plus en plus. Et rappelez-vous, là, rappelez-vous, on est dans un contexte où l'Église souffre beaucoup. Là, les chrétiens doivent vivre avec d'autres gens qui sont comme eux, qui souffrent beaucoup. Donc, c'est des gens qui sont persécutés pour leur foi, des gens qui sont rejetés pour leur foi. Et ils vont s'entraider là-dedans, s'entraider, ça pourrait être matériel, psychologique, émotionnel, ils vont s'entraider mutuellement à toffer, là, je pourrais dire ça comme ça, ou à garder la foi au milieu de tout ça. C'est ça qu'ils sont en train de s'entraider à faire, les autres-là. Ils ne sont pas s'entraider à bâtir un garage à trois portes. Je n'ai rien contre ça, mais ce n'est pas ça qui est dans notre contexte. Notre contexte, c'est « je veux t'aider, toi, mon voisin qui est devenu au Seigneur, toi, ma femme qui est venue au Seigneur, ou mon garçon qui vit dans notre petite ville qui est venu au Seigneur. Je veux t'aider à toffer, à pas abandonner la foi, parce que c'est ça que tu vas être tenté de faire, puis c'est ça que je suis tenté de faire dans la souffrance. Vous êtes comme moi, on a tendance à fuir la souffrance. Humainement, on fuit la souffrance. On n'en veut pas. Gaétan, il était comme ça aussi. On a tendance à brosser loin de la souffrance par tous les moyens possibles et imaginables. C'est naturel, il y a un instinct en nous comme ça. Et dans, quand on commence à souffrir pour l'Évangile, tout d'un coup, les gens, on peut-tu éviter ça? Je vous ai dit, la seule façon que l'Église réussit à éviter la souffrance, c'est en changeant l'Évangile. Non, pas d'autres moyens. Donc, on va changer, on va dire que Dieu aime tout le monde, que Dieu nous aime comme on est, que Dieu fait ceci. On commence à changer l'Évangile tranquillement, comme les gens disent, « Ah, mais Dieu est là pour nous aider, tu sais, Dieu est là pour nous aider. » Faites attention, il est là pour t'aider à persévérer. Oui. À garder la foi dans la prison, comme dans le palais. Tu sais, c'est toujours la même chose. Donc, abonder dans cet amour, et là il dit, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé. Ça là, c'est dans l'Église, hein? Chacun de vous dans l'Église, on vous recommande de faire ça. Ça, c'est-tu un impact sur les inconvertis? C'est quoi cette affaire-là? Puis on est dans un contexte de difficulté. Mais pourtant, il leur dit de vivre leur vie dans le monde, parce qu'ils n'ont pas arrêté de manger, ils n'ont pas arrêté d'avoir une maison pour dormir, même s'ils sont persécutés, ils essaient de trouver des maisons, des places pour manger. Il faut qu'ils continuent à vivre sur la planète. Donc, mais regardez bien, le verset 11 est assez simple. Mettre votre honneur, votre fierté à vivre tranquille, donc à ne pas réagir à la persécution, sortir vos épées et faire des guerres saintes, une vie tranquille, et vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Donc, c'était déjà là quand Paul est allé. Là, on est peut-être un an ou deux après. Donc, il dit, on vous l'avait recommandé de faire ça. Regardez bien ce qu'il dit. En sorte que, de-tu qu'on, verset 12, les premiers mots de 12, qu'est-ce que vous avez comme préposition, là? Alors ceux qui ne sont pas chrétiens. OK. Donc, alors ceux. Donc, alors. Là, il y a une raison, là. Alors. N'as-tu qu'un autre mot? Au regard des gens du dehors. Oui, je peux avancer un peu. Pour que votre conduite soit honorable au regard des gens du dehors. OK. Donc, ça veut dire que là, est-ce qu'on est en train de parler d'avoir un bon témoignage? C'est ouais, ça qu'on est en train de parler. Il y en a beaucoup que ça va dans ce sens. Ça serait tout ça. Donc, que vous marchez honorablement envers ceux qui, du dehors, mais là, écoutez personnes bien. Respectables aux yeux des autres. En sorte, dans la Bible, en sorte, ou alors, que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors. Dit votre conduite correcte, ça va être honnête envers ceux du dehors. Je dis, c'est quoi cette histoire-là? Je vais avoir une vie tranquille, honorable, je vais travailler, je vais gagner ma pitance, et en sorte que vous soyez honnête envers ceux du dehors. Autrement dit, ce que vous dites va avec ce que vous faites. C'est ça que ça voudrait dire. Honnête, on avait vu là, précédemment dans une autre formation, là, un autre enseignement, là, que être honnête, ça veut dire aller avec ce que tu dis. Oui, donc une honnêteté en vertu. Ce qu'on avait parlé dans le texte avant, d'avoir une conduite sainte et honnête. Sainte et honnête envers Dieu. Ouais. Ici, c'est pour être honnête envers les gens du dehors, mais tout ce que ça vient faire, que je devais vivre. C'est comme frère. C'est comme ce que vous prêchez être va avec les agissements qu'on voit. Mais ça, c'est pas nécessairement pour avoir un bon témoignage. C'est que tu vis selon ce que tu dis être. Oui. Donc, vous allez laisser voir que l'Évangile, elle ne nous amène pas à quitter nos vies. Elle ne nous amène pas à arrêter de travailler. Elle ne nous amène pas à attendre le Seigneur Jésus-Christ assis sur notre chaise dans le salon. Vous allez montrer que vous allez avoir une conduite. Moi, quand j'entends, je vais vous donner un opposé de ce que j'entends aujourd'hui, puis qui est le contraire. Prêcher la prospérité et la santé, c'est pas être honnête envers les gens du dehors. Je laisse croire que l'Évangile va produire quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, je ne suis pas honnête avec ça. Mais si je fais ma vie, puis je travaille, puis je ne deviens pas agressif contre les gens, je leur laisse voir que voici ce que l'Évangile, ça fait. L'Évangile, ça nous amène à vivre une vie. On va continuer à travailler, on va continuer à manger, on va continuer à pouvoir nos besoins et aider les gens s'il le faut. Mais il ne faut pas penser que l'Évangile vous libère de toute responsabilité humaine. Vous comprenez-vous l'idée? Et comme ça, il dit, votre façon de vivre, vous êtes honnête envers ceux du dehors qui vous regardent. Ben, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça vraiment la vie chrétienne. Je laisse, moi, j'ai eu une idée d'une secousse qu'on laissait voir, nous autres, dans l'Église, que notre vie personnelle était meilleure que le leur. Nous, c'est méprisant envers eux. C'est méprisant envers eux. Parce qu'on les laisse penser que nous autres, là, on est mieux que vous à l'extérieur, moralement. Là. Mais là, quand il dit, là, ben, les nouveaux affaires, là, c'est quoi que ça a le rapport avec eux? Je comprends pour travailler de nos propres mains, mais quand il dit, là, occupez-vous de vos propres affaires, c'est comme autrement dit, pas aller d'une maison à l'autre. Puis la parce que si tu ne travailles pas, si tu fais quoi? Tu allais aux invités. Ah! Et on va le voir quand on va faire Timothée, il dit qu'il y a certaines femmes qui sont seules, qui sont oisives, qui vont de maison en maison et qui disent des choses qu'ils ne devraient pas dire. Donc, c'est l'oisivité, c'est la mère de tout. Les vices. Donc, si tu prends l'Évangile avec une compréhension que Dieu va te faire vivre, que tu n'as plus besoin de travailler, tu n'as plus besoin de faire tes choses, tu vas devenir oisif et tu vas devenir pas un exemple honnête envers ceux qui dorment. Ce qu'il va parler un peu plus loin, il dit, faites attention à ceux qui vivent dans le désordre. Et ceux-là, il dit, mettez-les en dehors de l'Église. Parce qu'ils ne sont pas honnêtes envers les gens du dehors. Ils ne reflètent pas l'Évangile comme devrait la refléter. L'Évangile ne nous emmène pas à vivre d'une vie de oisivité, d'une vie qui s'attend, que Dieu va tout pourvoir, que Dieu doit tout faire. Non, non, c'est pas demain, ça marche. Mais tantôt, quand tu disais ça, de faire ça et de dire ça, c'est d'être malhonnête envers eux, mais c'est non seulement d'être malhonnête envers eux, mais aussi envers les nôtres, parce que c'est pas la vraie Évangile. Oui. Tantôt, je disais quelque chose, je trouvais ça un peu curieux comme interprétation, puis là, ça, avec ce que tu viens de dire, ça correspond, je trouve. Mm-hmm. Votre conduite suscitera ainsi le respect des non-chrétiens. Et vous serez vous ne serez à la charge de personne. Mm-hmm. Fait que, tu fais toi ce que tu as à faire, en même temps, les autres te regardent, puis ils peuvent respecter ça, de voir un peu comme tu disais, tu fais ce que tu dis aussi, ouais. Ce que tu vis fais, avec. Mais en même temps, le mot honnête, c'est que je vais être honnête envers toi, donc je ne te trompe pas dans ma façon de vivre. C'est ça. Donc, c'est le but, c'est que quand je vais regarder des chrétiens vivre, je vais voir c'est quoi l'Évangile. Je ne vais pas m'attendre à autre chose que c'est ça l'Évangile. Je vais les voir vivre. Donc, ce n'est pas toujours une moralité sainte, l'absence de péché, OK? Mais comment ils vont voir que les gens qui font des péchés, qui sont des chrétiens, comment ils agissent avec ça? Qu'est-ce qu'ils font avec ça quand ils se trompent, quand ils font des erreurs, quand ils font des conneries? Donc, comment ils vont réagir? Ça va aller aussi avec toute l'idée comment l'Évangile va m'emmener aussi à aimer le juif, le non-juif, le grec, l'homme, la femme. Comment je vais être en relation dans la société chrétienne envers des noirs, des blancs, des blondes, des femmes, des hommes, des esclaves? Tout ça va changer dans l'Église, là. Donc, dans votre Église, vous aimez les esclaves, même les maîtres aiment leurs esclaves, même les maîtres amènent leurs esclaves à l'Église le dimanche. Waouh! Tu sais, ils sont différents, nous autres, là. Il est fouette le lundi matin quand même. Puis on va le voir quand on fait le repas du salaire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le repas du salaire, Pierre prend une décision qui ne reflète pas l'Évangile. Et Paul le reprend tout de suite. Ta conduite, Paul, va contre l'Évangile. Pierre, va contre l'Évangile. Ah, OK. Bon. Puis il s'est marqué par crainte des hommes. Pierre, le gars qui avait du front autour de la tête, fait une décision par crainte des hommes. Et Paul le reprend. Et ta façon d'agir ne reflète pas l'Évangile. Mais c'est bon, ça, ce passage-là. Ben, c'est bon, là. Mais je veux dire, c'est parce que trop souvent, si on regarde devant la religion catholique, puis eux autres, ils les voient saints, parfaits, irréprochables, qui n'ont jamais rien fait, mais tu peux dire, ben non, regarde, t'as fait vrai, là, ils en font, eux autres, ici. sur les choses. Je vous ai déjà partagé, comme on dit, je faisais des genres de sondages avec les inconvertis. Puis une des choses qu'ils détestaient de nous, c'est qu'on se pensait meilleur que eux. Mm-hmm. Ils disent, vous nous parlez comme si nous autres, on est des gros pécheurs, puis nous autres, on ne fait pas ces péchés-là, puis nous autres, on ne court pas le bordel, puis nous autres, on ne sacque pas, puis nous autres, on ne voit pas, puis nous autres, on fait tout ça, puis nous autres, on fait tout ça. Ils disent, vous pensez que vous êtes meilleur que nous, puis c'est énormément. Ben combien, en tout cas, je ne sais pas pour vous autres, mais combien de fois qu'on s'est fait dire, ou moi en tout cas quand on s'est converti, ah ben grâce à Dieu, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de faire ci, là, tu vas voir, mais aussi, Dieu va t'aider à faire ci, à faire ça, à devenir parfait. On peut contribuer à ce que tu vois, ça aussi. Fait que, tu sais, tu fumes en chaos, c'est parce que là, tu n'as pas assez de prier là-dessus, fait que, passer un bon chrétien, fait que ça fait. On n'était pas honnête, c'est ça que je veux dire, qu'on n'est pas honnête envers les gens. On faut leur dire, voici ce que l'Évangile va faire dans ta vie. Tu la vois aussi dans la mienne. C'est ça que l'Évangile, elle va t'appeler à faire. Tu vas servir Dieu. Tu vas aimer les Blancs, les Noirs, les Grecs, les non-Juifs, les Juifs. Tu vas aimer tout ce monde-là. C'est tous des gens qui font partie du peuple de Dieu, ça. Parce que vous avez vu avec moi, depuis 10 ans, que des problèmes entre les Juifs et les non-Juifs, il y en avait dans les églises. C'était le grand débat dans l'Église. Comment est-ce qu'on agit avec les païens? Comment est-ce qu'on agit avec les Juifs? Comment est-ce qu'on agit que lui, il ne mange pas ci, puis moi, je ne mange pas ça, puis lui, il ne va pas là, puis moi, je ne vais pas là. T'sais, c'était des guerres de clans, plutôt des guerres qui combattaient l'ennemi spirituel qui était Satan. Mais François, les prières, les réunions de prière le mercredi, là, on mentionnait nos besoins, là, puis là, les gens priaient. Mais ce n'était pas des prières, c'était des prières pour nos besoins, nos enfants à l'école, tout ça. Ça, c'est pas être honnête non plus. C'est comme laisser miroiter que Dieu va répondre à ces choses-là. Oui, mais là, on se trompait soi-même. Ici, dans notre contexte, c'est pas pour tromper les inconvertis. Ah, OK. Je crois que tu as raison pareil, parce qu'on pouvait pas. On manifestait notre ignorance des Écritures dans nos prières, souvent. Okay? Okay. Si je le dis de façon positive, ça montrait notre connaissance limitée des Écritures. On priait comme des gens qui n'avaient pas une grande connaissance de Dieu. Donc, c'est un petit peu la même chose qu'on a vu dans le psaume. Si vous ne me connaissez pas bien, là, j'en mange pas de vache, mais j'en bois pas de sang. Mm-hmm. Mais si on dit à des inconvertis, je vais prier pour toi, là, ton mari est malade, il a un cancer, je vais prier pour toi là, pour qu'il guérisse, exemple. Ah, ben là, si tu dis ça, là, t'es marqué. Si tu dis je vais prier pour toi et ton mari, c'est correct. Si tu dis maintenant je vais prier pour que tu sois guéri, c'est pas correct. Mais prier, c'est correct. C'est qu'est-ce que tu vas prier? Certainement, si tu vas prier pour soi guéri, bien là, je ne peux pas prier ça. Je ne sais pas si c'est ça que Dieu veut. C'est ça, mais en même temps, quand on fait juste leur dire, je vais prier pour ton mari, on est en train de les laisser sous-entendre parce qu'eux autres, c'est ce qu'ils veulent. Non, mais ça, mais toi, tu n'es pas là pour te tromper. Mais si tu as le temps de le dire, tu veux le dire, dis-le. Mais le fait de dire, je vais prier pour vous, c'est pas mauvais, c'est pas aller contre. Mais maintenant, tu peux aller plus loin si tu es rendu là dans ta relation avec cette personne-là. Tu dis, mais je vais prier que Dieu te donne de la soumission envers ce que Dieu va faire dans la vie de ton mari. J'écrivais cette semaine, aujourd'hui à un frère, j'ai dit, Dieu a décidé que Gaétan restera parmi nous. C'est ça que j'ai dit. Dieu a décidé que Gaétan resterait parmi nous. Il aurait pu prendre la décision de venir le chercher. Donc, c'est à nous de se soumettre et d'accepter ce qu'il est en train de faire. Mais est-ce qu'on pourrait dire ça à un non-chrétien? Je vais prier pour toi pour que tu t'acceptes, que tu te soumettes, que ton mari se soumette. Si, pour eux, ils n'ont pas dû dans leur vie la soumission, ce que Dieu a fait. Non, c'est pour ça que c'est toi qui as jugé ou ce qui a rendu ton contact, on pourrait dire. C'est ça que c'est ce que je pense. À base, Donc, c'est pour ça que c'est toi qui vas décider. Si je parle à un inconverti, je parle à des croyants, je parle à un inconverti, ça fait 10 ans que je suis avec, que j'y parle du Seigneur, puis on a déjà entendu parler. Mm-hmm. C'est toi qui vas décider jusqu'où tu peux aller avec la sagesse, l'intelligence du Seigneur. Donc, afin que les gens du dehors ne soient pas trompés, vous allez avoir une vie qui reflète votre vie chrétienne, votre évangile, afin d'être honnête envers les gens du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Donc, vous allez voir un peu plus loin que des gens qui fréquentaient l'Église et qu'eux autres donnaient un mauvais témoignage, ils se laissaient vivre. On va voir pourquoi ils avaient pris la décision de se laisser vivre. C'est parce qu'ils attendaient le Seigneur Jésus demain matin. OK? Donc, c'était pas méchant, je pourrais dire. pouvais pas donner tout de suite, ça d'apparaître, c'est qu'il y avait une mauvaise compréhension. Tout le Paul va nous en parler, de cette bonne compréhension. Attention, le Seigneur Jésus va venir nous chercher, mais ça peut prendre 100 ans. Ben, t'es mieux de travailler un peu, là, tu peux manger. Tu ne devrais pas avoir un mauvais... que les gens du dehors comprennent que l'Église se fait vivre par la société. L'Église se fait vivre par... Parce que celui qui... Est-ce que certains croyants qui ne travaillaient pas se faisaient vivre par leur famille, qui était dans le clan familial? Donc, il dit, n'allez pas faire ça, là. N'allez pas faire ça. Donc, c'est... Faites comme la majorité des croyants vont faire. Prends ton travail. Vas-y, fais ta vie comme tu le fais. Dieu t'a pas, l'Évangile ne t'appelle pas à changer ta vie, tu as besoin de manger, de boire, d'avoir une maison, de fonctionner. Donc, l'Évangile n'est pas là pour changer ça. Donc, sois honnête envers lui. Et sois honnête dans le sens que tu ne vas pas te rebeller vers ceux qui aussi te persécutent. Tu vas vivre une vie tranquille, tu vas couper tes affaires. Tu ne pars pas en guerre contre le monde dans lequel que tu es. Et ça a été la tendance de l'Église de partir en guerre. Les guerres saintes, c'était d'aller se battre contre les inconvertis qui les attaquaient. Il va falloir faire attention dans ce sens-là. Donc ça, c'est les deux premiers domaines du progrès dans la conduite, ou de plaire à Dieu. Le deuxième, c'est l'amour fraternel. L'amour fraternel, il faut le comprendre comme il faut. Ce n'est pas juste pour les inconvertis, mais en le faisant comme ça, parce que là, il parle de s'aimer les uns les autres dans l'Église, chez les frères, ça va nous aider à persévérer. Parce que j'ai besoin de vous comme vous avez besoin de moi pour persévérer. Donc, je ne vais pas donner un coup de pied à celui que j'ai besoin pour persévérer dans la foi. Donc, des fois, on va faire des concessions, si je peux dire ça comme ça, des compromis ou des accepter en tout cas des comportements différents. Parce que ce que j'ai besoin de toi, ce n'est pas que tu manges comme moi, c'est que tu m'aides à persévérer dans la foi. Donc, je peux m'en foutre que tu manges vegan ou pas vegan. Okay? Ça, c'est ton affaire. Mais je suis là pour t'encourager dans la foi et t'aider à la persévérance. Je ne vais pas commencer des guerres comme tu n'as pas le droit de manger de viande, tu as le droit de manger de viande, comme on a dans Romains 14. Faites pas. Là, j'ai vu ça depuis 45 ans que je suis dans l'Église. Des guerres, moi, j'appelle ça des guerres qui n'ont pas raison d'être dans l'Église. Donc, c'est des guerres de. Des gars de clocher. Oui, des gars de gang, de groupe, de points de vue. Des points de vue social, même pas spirituel. Puis même si ce serait spirituel, je peux vivre avec toi, même si tu ne penses pas tout à fait comme moi, le retour du Seigneur. Mais tu crois au retour du Seigneur, puis moi aussi je crois au retour du Seigneur. Puis il vient chercher son Église, moi tout je crois qu'il vient chercher son Église. Mais on a des différences, mais ça va-tu vraiment nous empêcher de s'encourager, de se fortifier, de s'entraider à persévérer? Parce que le but final, là, c'est que je vais être debout quand il arrive. C'est ça le but final. Je vais juste être debout dans la voie quand il va arriver. C'est pas de gagner toutes les petites guerres qui vont se passer, puis toutes les petites affaires qui vont se passer. Dans le fond, je veux juste être debout, parce que c'est ça le plus important pour moi. Donc, si ça devient la chose la plus importante, je peux laisser tomber d'autres choses, là. Qui est moins important pour pouvoir être debout. On va en parler dans le chapitre 5 un petit peu. On va commencer le troisième domaine qui va nous aider à aller de progrès en progrès. Donc, là, il va parler de l'enlèvement. Tout un sujet de débat dans l'Église. Il va parler de l'enlèvement, mais rappelons-nous, on est dans l'Épître à Thessalonique. Et pourquoi il va leur parler de ça? Souvenons-nous, on est dans un monde, une époque, un moment dans leur histoire à eux, que c'est la souffrance, c'est les difficultés, c'est les gens qui souffrent pour la foi d'une façon assez intensive. Donc, puis je pourrais vous dire que dans tous les passages du Nouveau Testament, dans ces moments-là, le sujet préféré des auteurs du Nouveau Testament, c'est le retour du Seigneur. Comment aider quelqu'un à passer au travers une épreuve, c'est de monter qu'une lumière au bout du tunnel. Il y a une fin. Puis il y a un moment où tu vas être mieux après. Oui, il y a un moment de souffrance. Oui, il y a un moment de difficulté. Oui, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Mais à la fin, il y a ça. N'oublie pas ça, là. N'oublie pas ça, là. À la fin, là, ça va être la fin du tunnel. Tu vas être avec Dieu, tu vas être à nouveau sur une nouvelle terre. Tu vas pouvoir être là sans péché, dans l'amour total, dans l'adoration totale avec Dieu. Ah ouais, OK, OK. Donc, si je peux le voir, ça va m'aider à continuer. Donc, ici, il va encourager les chrétiens à s'encourager de plus en plus avec le retour du Seigneur. OK? Donc, c'est là qu'on va se parler mutuellement. Moi, j'ai été sauvé dans une période, dans les années 76-80, sauvé, commencé à l'église, on dit ça comme ça. Moi, c'était très présent, mais c'était présent d'une façon négative. Le retour du Seigneur, on en parlait, mais c'était un débat, c'était une chicane. Finalement, l'église s'est divisée. Là, ils ont parti sur un bord, ils ont parti sur l'autre bord. C'était pas très, très stimulant. On ne s'encourageait pas à persévérer. On nous appelait, nous, les jeunes chrétiens, à prendre position. Dans quelle gang que t'es, toi, là? Je me souviens, Camille Audette. François, tu crois tout ça? Ouais, t'es en mille. Ah, t'es en mille, François. OK, je suis en mille. Là, je rencontrais Claude Fortin sur l'autre bord. François, tu crois tout ça? Ah, oh, t'es premier, mon François. OK, je suis premier. Bon, je ne savais plus j'étais. Je ne savais pas dans quel clan je devais me positionner. Puis M. Cornoir, lui, était dans le clan avec Claude Fortin un peu, dans le côté prémile. Puis là, j'allais étudier à Sambeck, puis il y avait des hommes là. Puis j'étais, ouh, ça tourne, c'est là. Donc, mais ça ne m'encourageait pas à persévérer. Tu sais, ça n'a pas fait dans le but de m'encourager, moi, le jeune chrétien, à continuer dans la foi. Parce qu'un jour, la délivrance arrive. La délivrance va arriver. C'est que. Des guides de clochette, on pourrait dire, à l'intérieur de l'Église évangélique. Donc, on va parler là, du retour du Seigneur ici et dans le chapitre 5. On ne s'en rendra peut-être pas au chapitre 5, mais on va faire ce bout-là, mais on va finir dans le chapitre 5 en ce qui concerne le retour du Seigneur. L'enlèvement ici. Mais l'enlèvement ici va être jumelé dans le chapitre 5 avec l'avènement du Seigneur. Donc, nous, on entend parler, c'est où, c'est avant, c'est après, c'est 7 ans avant, 7 ans après. Et ici, dans les deux sont. En même temps. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de temps, mais l'Épître de Sotine ne nous en parle pas. Okay? Tout ce qu'elle nous dit, hein, c'est que l'avènement du Seigneur se joint à l'avènement, ou l'enlèvement des chrétiens est jumelé avec l'avènement du Seigneur. Et l'avènement du Seigneur, c'est le retour du Seigneur dans Thessaloniciens. OK? Donc, mais ça n'a pas d'importance si j'y mets une distance entre les deux, pas ici. Donc, je vais t'encourager quand même si tu dis qu'il y a une période de tribulation, ça ne me dérange pas, je vais t'encourager à attendre le retour du Seigneur. Si c'est pour l'enlèvement avant, ben, c'est pour l'enlèvement avant. Mais finalement, tu ne veux pas juste un enlèvement, tu veux un retour du Seigneur, tu veux être une nouveau sur une nouvelle terre aussi. Là. Tu ne veux pas juste être vivre dans un nuage quelque part. J'espère que ce n'est pas ton but de vivre sur un nuage avec une harpe et tu vas chanter des cantiques. C'est pas ça que je veux, personnellement. Okay? Donc, verset 13, c'était à Yvon, je pense. Oui. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous voyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici ce que nous vous disons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, qui serons restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas du tout ceux qui sont morts, car lui-même, le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, alors les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Donc, ça c'est la première partie. Là, on ne le voit pas ici, on va le voir dans le chapitre 5, qui dit « comme vous le faites déjà ». Donc, tu as dit, vous le faisiez, vous vous aimiez déjà. Vous avez déjà une bonne conduite, continuez plus loin. Vous le faites déjà, vous consolez, mais allez encore plus loin. Consolez-vous. Et le mot ici, parce que nous autres, on n'est pas tout à fait dans le même contexte où est-ce que les gens meurent. Mais ils ont le mot endormi. Nous, moi, j'avais le mot décédé, ce qui veut dire à peu près la même chose ici. On va en parler au chapitre 5 de ça. Donc, ce n'est pas juste les gens qui dorment, là, dans le sens de leur nuit de tous les jours. Ce n'est pas ça, c'est ceux qui sont morts. Donc, il y avait un problème chez les Thessaloniciens et qui causait de l'affliction. Il y avait quelque chose qui se passait dans l'Église qui attristait les croyants. Donc, qu'est-ce qui causait de la tristesse? Parce qu'ils ont besoin de consoler. Avant, on a vu « consolez-vous ». Donc, tu vas voir des chrétiens qui pleurent dans l'Église. Des chrétiens qui sont tristes, qui sont découragés, qui ont un peu de problème là, avec ce qui se passe. Donc, il dit « toi, ben, va le consoler, va l'encourager, si tu peux, va le consoler, là, parce qu'il y a des problèmes là-bas. Là. » Puis là, tu leur dis « viens, on va aller prendre le Tim Hortons, là, on va jaser. » Mais je veux aller, je veux voir qu'est-ce que tu vis. C'est toujours dans la même idée. Je fais les choses pas juste pour l'autre. C'est parce qu'il faut comprendre que si je le fais d'une façon condescendante, je vois que tu as un besoin et je vais aller avec ton besoin. C'est pas juste de main. Si demain, ça va être pas mal condescendant. Mais c'est que moi, j'ai besoin de toi après. Moi, j'ai besoin de toi. Je t'aide là, là, mais demain, c'est toi qui vas m'aider moins. Là. Fait que là, c'est plus condescendant, c'est égal. Okay, je t'aide, mais je veux que tu m'aides à mon tour quand tu vas être capable. Donc, c'est un échange de procédures, c'est les uns les autres qu'on voit dans les Écritures. Donc, j'aide les croyants et les sœurs, non pas juste parce qu'ils ont besoin et qu'ils sont plus faibles que moi. Hein. C'est que là, aujourd'hui, c'est toi qui as besoin. Demain, c'est peut-être moi qui ai besoin. Il va falloir que tu m'aides aussi. Donc, il y a un partage mutuel de nos dons, de nos capacités, de notre expérience, de vieux chrétien, jeune chrétien, tout ça. Donc, c'est... Il dit, donc, qu'est-ce qui causait la tristesse? L'ignorance. L'ignorance. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorance a causé de la tristesse. C'est drôle, hein? D'être triste, tu n'as pas raison d'être triste. Ça, c'est encore plus triste. Triste quand tu as raison, mais ça me semble à peine. Tu sais, quelqu'un meurt, quelque chose, puis là, tu es triste, je comprends. Mais là, je te vois triste, puis je te dis, tu n'as pas de raison d'être triste, là. Ah non, je pleure pour rien. Ouais, tu pleures pour rien, là. Si tu comprendrais la vérité, tu n'aurais pas besoin de pleurer. Ah, OK. Là, on voit que la tristesse est causée par l'ignorance de quelque chose. Puis c'est spirituel. On va voir tout de suite, ça va être théologique, ça va être une vérité biblique. Parce que tu peux avoir une ignorance aussi, niveau médecine. Tu peux avoir une ignorance, tu as un cancer, tu pleures parce que tu vas mourir. Mais tu dis, non, attends un peu, là, tu ne vas peut-être pas mourir de même. Là. Ces cancers-là, on est obligé de travailler avec, puis tu peux vivre maintenant 15 ans. Ah, OK. Tu sais, je peux t'aider parce que tu as un manque de connaissances au niveau de la médecine. Tu t'en as fait trop. Là. Mais tu devrais peut-être comprendre que ce cancer-là, il n'est pas fatal, il n'est pas terminal. Ici, il y a de l'ignorance. C'est quoi l'ignorance qui cause de la tristesse chez les croyants? Vous savez, c'est fort, hein? L'ignorance peut amener une église à être triste et à abandonner. Puis c'est de l'ignorance. Mais si on dit que maintenant, si on vire ça de bord, puis on met de la connaissance, ça peut amener le contraire complètement. Ça va t'amener à être dans la joie et tu vas persévérer. Donc, il y a une grande importance à ma connaissance. C'est ça que je vous ai parlé tout à l'heure, du progrès dans cette connaissance-là. C'est, j'ai besoin de faire ça. Sans ça, que je vais être pogné dans toutes sortes de problèmes qui arrivent. Puis mon ignorance va m'amener à être triste ou peut-être même abandonner la foi. Puis c'est par ignorance. Donc, je ne veux pas ça. Donc, je veux connaître de plus en plus, me tenir avec des gens qui en connaissent plus que moi. Moi, j'ai dit ça une fois à Richard Thériault. Vous connaissez tous Richard Thériault. Je commençais avec lui. Il était nouveau. Il venait juste de se convertir. La première fois, je dis, Richard, je dis, colle-toi après quelqu'un qui peut t'en montrer. Puis quand il ne pourra plus t'en montrer, va te coller après quelqu'un d'autre. Va te coller après quelqu'un d'autre. Le jour où je ne pourrai plus t'en montrer, va te coller après quelqu'un d'autre. Parce que c'est comme ça que tu vas avancer. Si tu restes avec moi, tu vas rester stagné avec moi. Si moi, je n'avance pas, tu vas rester stagné avec moi. Mais si tu dis, François, j'apprends plus rien, ben je vais aller voir quelqu'un qui est rendu plus loin que moi. Je vais aller encore un peu plus loin. Donc, si j'ai fait mes études en mathématiques au cégep, ben je vais aller à la maîtrise, je vais aller au doctorat, je vais aller avec des gens qui vont toujours être capables de m'en montrer plus, parce que je veux avancer dans ce domaine-là. Donc, du côté biblique, c'est un peu la même chose. Donc, c'est... L'ignorance a manifesté, je crois qu'elle manifeste jusqu'à certains points, le départ prématuré de Paul, qui n'a pas eu le temps de tout leur dire les choses. Et Timothée, quand il est allé, avait-il lui-même pas la connaissance de leur répondre à leurs questions? Je ne sais pas non plus. Ou peut-être que les gens n'avaient pas commencé à mourir quand Timothée est allé. Et là, ils commençaient à mourir dans l'Église. Parce qu'on parle de ceux qui... Une ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Donc, vous avez une ignorance envers ceux qui sont morts. Les autres, dans leur tête, qu'est-ce qu'ils pensaient? C'était quoi leur ignorance? C'était que Jésus va revenir avant qu'on meure. Jésus va revenir avant qu'on meure. C'est pas dans 2000 ans, c'est pas dans 3000 ans. Jésus va revenir. Puis comme Paul va dire, nous qui sommes vivants, quand il va arriver, nous, il parlait de lui, là. Donc il voyait Paul, il voyait pas ça de 2000 ans, Paul non plus, là. Il attendait le Seigneur, là, le Seigneur peut arriver, là. Tu sais, comme ça, des fois, on va dire, on a hâte que le Seigneur revienne, on a hâte qu'il vienne bien dans l'Église. On essaie de voir dans notre génération un peu, là. Tu disais, mais je vais m'encourager avec, il va venir dans l'an 5000. Bon, OK, pas très encourageant pour moi, je l'attends plus, là, OK? Je vais aller le rejoindre peut-être, mais il ne viendra pas. Je vais mourir. Je t'ai appelé à mourir. Mais eux autres, ils ne pensaient pas qu'il n'était pas mourir. Là, il y en avait déjà qui étaient morts. Tu avais Étienne qui était mort. Tu sais, il y en avait là, des chrétiens qui avaient été quand même tués, là. S'ils sont ignorants, s'ils savaient, ils n'auraient pas été ignorants, s'ils avaient été entendus dire, « Ouais, mais qu'est-ce qui est arrivé à Étienne? Qu'est-ce qui est arrivé à tous ceux qui sont morts avant? Qu'est-ce qui est arrivé à Jacques qui est mort par l'épée? » Ils ne savaient pas. Il faut croire parce qu'ils sont ignorants de ce qui arrive avec les morts. Donc, je ne peux pas te définir l'historique pourquoi ils sont ignorants, mais ils sont ignorants. Okay? Puis Paul va leur donner de l'information pour enlever la tristesse et qu'ils peuvent continuer à persévérer. C'est ce qu'il veut faire. Donc, c'est l'idée comme, je vous ai déjà dit, il y a des gens, puis à travers mon ministère, à travers les 45 ans, je suis chrétien, j'ai vu des gens voir le retour du Seigneur comme imminent. Ils faisaient toutes sortes de décisions. Des folles, des fois, bien folles, parce qu'il n'est pas revenu encore, il est encore là. Donc, et vous allez voir ça dans différents mouvements aussi, qui attendent des choses, puis ils vont aller même jusqu'au des pactes de suicide. Parce que les autres, ils ne comprennent pas, ils sont ignorants des vérités. Donc, chez les croyants, il y en a qui ont fait des décisions qui les ont amenés à faire des décisions qui ne reflétaient pas l'Évangile comme tel. Ils reflétaient plutôt leur ignorance de l'Évangile dans certains domaines. Donc, il dit, « Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Donc, l'ignorance est en fonction de l'espérance. Il dit, il y en a qui n'ont pas d'espérance, donc sont ignorants de ce qui va arriver. Et ces gens-là qui n'ont pas d'espérance, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'affligent. Hein, ils sont affligés. Tu sais, la maman là, qui est dans l'Évangile, qui perd son fils, là. Okay, ben, il est dans les bandelettes, là, elle s'en va, puis elle va le mener à la tombe. Là. Mais entre les deux, entre son départ et la tombe, il rencontre Jésus entre les deux. Et Jésus ressuscite le jeune. Okay? Donc, si elle avait su ça, elle, là, que le jeune il serait ressuscité entre les deux, là, ben, ça n'aurait pas été aussi triste. Là. Hein? Elle n'aurait pas été aussi triste. Elle aurait dit, ah, il est mort, là, mais Jésus va te ressusciter, c'est pas grave. Là. Donc, mais eux autres, la maman, à ce moment-là, n'a pas d'espérance que l'enfant va revivre. Donc, elle est attristée. Si je n'ai pas d'espérance, on disait souvent, tant que de l'espoir, il y a de la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, mais moi, je le mets en envers, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien, moi. Là. C'est, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Quand il n'y a plus d'espoir, on est mieux de... C'est le monde qui... L'espoir me garde la vie. Moi, ce n'est pas la vie qui me garde dans l'espoir, mais c'est l'espoir qui me garde dans la vie. C'est un petit peu différent. Donc, il dit... Donc, il y a des gens qui disent, je ne voudrais pas que vous soyez attristés comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Et l'espoir, ça, c'est quoi? C'est toujours futur. Hein? Ça ne peut pas être hier, l'espoir. Ça ne peut pas être hier. Donc, l'espoir, ça, c'est toujours demain et après. Donc, il y en a là, qui, à cause qu'ils ne comprennent pas l'avenir, le futur, ils sont attristés. Puis, il y en a qui n'en ont même pas d'acte de futur. Ils meurent comme un chien ou ça va dans la terre. Les autres, ils ne reverraient plus jamais leurs enfants. Puis là, il y en a d'autres qui sont attristés parce que leur enfant est mort, puis ils n'ont pas d'espérance de ce qui s'en va, ils sont ignorants de ce que tu as un ciel et tu as un enfant. Ils sont troublés. Puis là, quand ils arrivent au salon funéraire, ils se comptent un paquet de mentir pour essayer de s'encourager un petit peu, parce qu'ils n'ont pas l'espérance. Il ne faut pas avoir une fausse espérance, on voit la vraie espérance. Parce qu'on peut se donner de l'espoir avec des faussetés aussi, là. OK? Donc, car, les autres versets disent, car, je ne voudrais pas que vous soyez tristes comme ceux qui n'ont pas d'espérance, car nous, on a une espérance. OK? Nous, car nous qui croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Donc, on a une espérance que ceux qui meurent, les croyants qui meurent, vont revenir en vie à la résurrection. Mais dans la tête de ces gens-là, des premiers, là, si tu n'étais pas vivant au retour du Seigneur, tu ne pouvais pas participer au retour, au nouveau royaume qui commençait. Tu étais mort. Chez les Juifs, beaucoup de Juifs pensaient que tu aurais une forme de résurrection quand Jésus arriverait. Donc, si tu n'es pas là quand il arrive, tu vas manquer de bateau. Il faut que tu sois vivant pour rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est le pilier du royaume, pour eux autres, souvent, ils étaient sur la terre, avec le Messie, sur la terre, comme les Juifs pensaient. Donc, mais là, Paul va leur dire, non, on va monter par en haut. Je ne pensais pas que ça va être ici, là. Donc, ça n'a pas d'importance si vous êtes mort ici. Vous allez être ressuscité, puis on s'en va. Là. On ne reste pas ici, là, nous autres, on s'en va. Ah, en haut, là, jusqu'à temps qu'il y ait le nouveau ciel de la terre qui va être fait, là. Ah, OK, ça change la donne, ça change ma façon de comprendre les choses. Donc, il dit, comme nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité des morts, nous croyons aussi que Jésus va ressusciter les gens qui sont morts. Ah, OK. Okay. Donc, ils ne sont pas morts pas tout le temps. Ils vont ressusciter avec leur corps. Ils vont revenir avec leur corps. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a dit à moi, Paul. OK? Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. OK? C'est encourageant. Donc, ceux qui sont morts vont rien manquer, jusqu'à un certain point. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, ça veut dire, alors que Dieu a prédestiné, alors que Dieu a déjà organisé, qu'est-ce qui va arriver? Jésus va descendre du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, ils ne manqueront rien, là. T'sais, ils ne manqueront rien. Le Seigneur n'est pas encore arrivé, mais il va les ressusciter. Tous ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Et nous, ensuite, nous les vivants qui sont restés là, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, il dit, changez votre cassette. Celui qui est mort, là, ben avant que Jésus vienne nous chercher, là, il va le ressusciter. Puis nous, les vivants, on va besoin d'être ressuscités, on est mort. Donc, on va partir ensemble, on va les rejoindre dans les airs. C'est important, hein? Vous comprenez l'idée? C'est pas sur la terre qu'on va rester. Il ne s'en vient pas ici pour faire de quoi ici. Il vient nous chercher pour nous enlever d'ici. Et après ça, il va mettre le feu en bas. Okay? Il va nous enlever, puis il va détruire le monde qui est ici, puis il va en faire un nouveau. Donc, ce n'est pas ici que ça va se passer. Vous comprenez bien ça? Ce n'est pas ici que ça va se passer. Donc, celui qui est décédé ne parle rien. Puis, il n'y a pas handicapé, il n'y a pas moins de chance, il n'y a pas moins de spiritualité. Il meurt, puis quand Jésus va venir pour établir le royaume, il va ressusciter lui en premier, le mort, et nous, on va dire, on va être transformés, mais le texte ne nous dit pas. On va juste prendre le texte et dire, nous, les vivants, ceux qui sont là, pour Dieu d'être ressuscités, on le sait. Donc, il va dire, OK, on monte tout ensemble, rejoins le Seigneur sur des nuées. Donc, c'est plus encourageant, ça, là. Ben oui. C'est là, je suis plus en train de penser que ma femme qui est morte, ou mon père qui est mort, ou mes enfants qui sont morts, qui étaient dans la foi, qui étaient chrétiens, puis c'est ce qu'il parle ici. Ils ne manqueront rien, là. Ils ne manqueront rien. Quand le royaume de Dieu va être établi. Parce que le retour du Seigneur, c'est ça. Hein? Le retour du Seigneur, c'est pas je m'en vais au ciel, la vie va être belle. Non, le retour du Seigneur, c'est la mise en place du royaume de Dieu. Mais là, Paul, il a posé envie de dire qu'il serait en attendant ceux qui étaient morts. L'as-tu vu? L'as-tu dit? Ben, il l'a pas dit. Non, il l'a pas dit. Hein? Mais ça aurait pu être une bonne solution à leur ignorance aussi, tu sais, ça aide à... Il dit, dans d'autres épîtres, on l'a, mais là, c'était pas... On a quoi? On a qui sont dans le sein d'Abraham, là, tu sais, qui sont dans une attente bienfaisante. Non, tu mélanges les affaires. C'est pas, tu sais, là, c'est... Abraham, là, c'est avant Jésus, c'est là. Non, quand là, le pape est mort l'autre jour. Qui? Le pape. Le Saint-Père. Est-ce que c'est chrétien? Est-ce que c'est chrétien? Ils vont? C'est pas une base spirituelle de la maison, là. Donc, tu sais, je t'ai dit, lui, en mourant, est-ce qu'il sait, là, qui est dans l'île ou pas? Lui? Oui, le pape. Oui, il sait. Là, après ça, je t'avais demandé où que les gens vont en attendant. Là, tu as dit que là, il y avait une réponse dans... quand là, il y avait le riche, le mauvais... Ils sont pas avec ça. C'est dans Luc. Parce que Jésus parle du Lazare, du mauvais riche. Oui, exactement. Ils sont comme dans une attente avant le jugement. Oui. Okay? Puis là, ceux qui sont morts, mais qui sont dans la foi, eux... Les autres sont morts avec Jésus, comme Paul l'a dit. Moi, j'ai dit, j'aimerais mieux mourir, m'en aller avec Christ. Ils s'en vont rejoindre Jésus-Christ. Spirituellement, son corps est encore en terre. Et à la fin, à la résurrection, le corps va rejoindre l'esprit. Ils vont s'en aller ensemble dans les niveaux supplémentaires. Le croyant qui meurt aujourd'hui s'en va avec Dieu. Parce que Christ est déjà mort. Quand tu comptes l'histoire dans l'Ancien Testament, quand Jésus a compté l'histoire, c'était avant Christ. Okay? C'est d'Abraham, le séjour des morts, c'était avant Christ. Mais les croyants, eux autres, quand Jésus-Christ est mort, le salut était accompli. Là, on peut partir ensemble. Ceux qui étaient dans l'Ancien Abraham, et après ça, on s'en va avec Dieu. Okay. C'est ça que Paul dit, la mort, pour moi, est un gain. Je ne m'en vais pas dormir, je vais rejoindre Jésus-Christ. Okay? En esprit, bien entendu. Fait que les croyants aujourd'hui qui sont morts, ils sont avec Christ. Ils ne sont pas endormis à quelque part en attendant le retour. Mais ils ne sont pas dans un salut total parce qu'ils ne sont pas sans leur corps. OK, c'est ça qui passe. Pour ça, quand il va avoir la résurrection, OK, c'est là que... Parce que mon salut à moi comprend ma résurrection. C'est ça que des fois je vous dis, mon salut n'est pas tout. Moi, je ne suis pas sauvé complètement. Fait que même mort. Mon salut, moi, comprend mon corps. Mon corps est ressuscité. Ça ne va pas bien, moi. Je n'ai pas mes deux jambes. Ça veut dire que je n'ai pas mes deux jambes. Non, tout nouveau. Il va réparer tout ça. Donc, mon salut comprend le salut. Jésus n'a pas juste racheté mon âme. Il a racheté mon être en entier. Oui, c'est ça. Okay. Donc, mon corps, tant que je ne suis pas ressuscité, je peux dire que je ne suis pas encore totalement sauvé. Tu sais, il va en parler un peu plus loin. Le salut est à venir. Nous, on parle souvent de salut, la plupart du temps, au passé. Mais la Bible, des fois, parle de salut au futur. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé encore. Tu sais, le texte qu'on dit, ce que Jésus a commencé en vous, il va le terminer. Donc, c'est pas terminé. Si ça s'est déjà terminé, mon salut, il ne dira pas, il va le terminer pour le jour du Seigneur. Donc, il a commencé quelque chose qui va terminer le jour de la résurrection et qui va m'emmener dans sa présence, dans ma glorification. Parce que ma glorification fait partie de mon salut. Là, ça se trouve, c'est notre âme là, qui se trouve être avec nous. Oui, l'âme, l'esprit, l'être spirituel qu'on a. OK, notre être spirituel. OK. Donc, il dit, maintenant, de rester tous ensemble dans l'homme monté subénu à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, il dit, on va monter, puis à partir de ce moment-là qu'on monte, le rejoindre sur les nuées, on va être pour l'éternité avec lui-même. L'éternité avec lui. Un bout en esprit, après ça, ressuscité, on est avec lui pour toujours. Tu sais, quand on a vu l'Apocalypse, on voit les 144 000 qui accompagnent partout ce que le Seigneur Jésus voit, ils vont avec lui. Donc, ils accompagnent. On ne sera plus jamais séparé du Seigneur Jésus à partir de ce qu'on vient de voir, de l'enlèvement qu'on appelle. Et de ce moment, lorsque c'est. Donc, on va voir dans la deuxième épître qu'il y en a qui pensent qu'ils ont manqué l'enlèvement. Dans l'église de Thessalonique. Il y en a qui pensent que Jésus est venu et qu'ils l'ont manqué. Aïe, ça fait dur en écœurant, c'est déboussolant ça. Il dit, il y en a qui ont, soi-disant, une lettre étant venue de nous. Quelqu'un avait écrit une lettre, ont sous-entendu sous le nom de Paul, leur disant que l'événement du Seigneur était déjà arrivé, qu'il avait manqué le bateau. Et il dit, Paul, il dit, non. Je vais vous donner deux, trois signes, là, que ça doit arriver avant cela. Là. Je vais vous donner deux, trois petites affaires à connaître là, avant que le Seigneur vienne nous chercher. Ne laissez-vous pas Il dit, ne vous, laissez-vous pas séduire facilement, là, par des gens qui vont passer autour de vous, qui vont vous dire que vous avez manqué le bateau. C'est pour ça que Paul dit, fais du progrès, mon chum, ne laisse-toi pas séduire facilement, fais du progrès, pour que quand n'importe qui va se présenter devant toi, tu vas pas dire, non, c'est pas ça que la Bible a dit. Ensuite, le progrès est utile, parce que je vais être entouré de faux docteurs, de fausses doctrines partout autour de moi, dans les églises, dans le monde. Il faut que je sois capable de me battre contre tout ce menteur-là qui est Satan et toute sa gang. Donc, il dit aux chrétiens, consolez-vous avec ça. Et Paul présume qu'ils vont être consolés, mais qu'ils entendent ça. Ils vont être consolés. Il dit, ta mère qui est morte, elle ne va pas manquer le royaume de Dieu. Là. Elle va ressusciter, puis toi, si tu es vivant, tu vas partir avec. Si ta femme est morte, fais-toi-en pas, tu vas partir avec. Donc, ceux qui sont morts ne sont pas handicapés pour le royaume de Dieu. C'est ça qu'ils pensaient, eux, à cause qu'il y avait de l'ignorance en eux. OK? Il y avait de l'ignorance. Donc, il dit, là, je peux le dire, là, OK? Puis, la semaine prochaine, on va continuer dans cette même optique-là, avec le chapitre 5, les premiers versets, qui va leur parler. Nous, on n'est pas de ceux qui vont être surpris par ça. On l'attend. On l'attend. Donc, c'est très important qu'entre nous, quand on se voit, qu'on fait n'importe quoi, on peut s'encourager avec « Hey, c'est difficile, hein? Il y a une fin à ça. Il y a une limite à ça. Même si ça serait la limite de ma vie, peut-être cette personne a 15 ans, 100 ans pour les meilleurs. Hein? François, il dit, t'en as juste 25, parce que tu vas te péter à 100 ans. Donc, avant longtemps, si le Seigneur n'est pas venu, tu vas monter leur joint pareil. Tu vas mourir, et ton âme va aller sur le joint de Seigneur Jésus-Christ. Il y a une limite là-dedans à cette souffrance, à cette consécration, à cette fait qu'on sert Dieu, dans le sens qu'on vit, on a l'impression qu'on vit dans un monde qu'on n'est pas là pour ça. On vit comme un poisson en dehors de l'eau un peu. On n'est pas dans notre monde. Notre monde à nous, dans notre nouvelle naissance et dans notre résurrection, on va être recréé pour vivre dans un nouveau sort de monde. Donc, on a l'impression, il y a une partie de nous qui a cette impression-là qu'on n'est pas à bonne place, qu'on devrait être ailleurs. C'est normal, on a été créé de nouveau pour vivre dans nos places. Et ma chère, elle est encore là, elle se bat avec ça. Elle a dit, moi, j'ai encore un pied à terre, je vais rester ici. Là, donc, c'est dans ce sens-là que Paul dit, faites du progrès dans votre conduite qui plaît à Dieu, faites du progrès dans l'amour fraternel, et faites du progrès dans votre compréhension du retour du Seigneur. Et encouragez-vous, consolez-vous. J'ai fait ça avec Gaétan, je suis allé voir à Québec. On s'est fait aussi sur Gaétan. Si tu pars, c'est le meilleur. Je ne souhaite pas que tu partes. Mais si tu pars, si c'est là que décide que c'est terminé, c'est le meilleur. Tu vas nous devancer dans la présence de Dieu. C'est nous autres qui restons en bas qui vont continuer à se battre avec tout ça. Mais j'ai dit. Je ne te dis pas qu'on ne doit pas faire tout ce qu'on peut pour rester vivant, mais c'est l'important, le but de ta vie, c'est l'autre bord. C'est pas ici, c'est l'autre bord, le but de ta vie. Tu vis pour l'autre bord. Donc, si tu veux te jumper par-dessus, puis toi, tu vas franchir la barrière, et tu es rendu où ce que tu voulais aller. Mais là, il y a tout ce combat de la chair, hein? Tout ce combat à l'intérieur qui ne veut pas mourir, qui ne veut pas. Et là, c'est palpable. Je parlais de ça avec le Christ, c'est moi, ils me disent, enfin, on n'a pas vu l'autre bord. On a dit, comment est-ce qu'on peut être motivé par les nos bords? On n'a pas vu nos bords. C'est tout ce que tu as, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit que c'était ça, nos bords. Donc, il faut s'encourager avec ça. Donc, si vous. C'est pas toujours encourager juste dans la persécution, ça peut être encouragé dans la maladie, comme on était un peu passé, ou dans d'autres domaines de la vie qu'on souffre. Là, on parle de souffrance pour le Seigneur Jésus-Christ, mais la maladie, c'est pas toujours pour le Seigneur Jésus-Christ, mais le remède, le danger dans la maladie, c'est qu'on veut juste se soustraire à la souffrance humaine. Quand le réseau du Seigneur, c'est pour m'approcher de Dieu. Okay? C'est pas juste dire je veux plus souffrir. Il y en a des inconvertis qui sont comme ça, des fois. Ils sont allés souffrir, ils veulent mourir. Puis là, ils ont l'air de se suicider. Donc, il faut juste éviter la souffrance humaine. Nous, ce n'est pas éviter la souffrance humaine seulement qu'on veut. Si on veut aller voir celui qu'on attend, celui qu'on veut être avec lui, Donc, ce n'est pas un lieu de non-souffrance, c'est une personne qu'on veut voir, personne de Dieu, personne de Christ. Donc, c'est d'aller voir celui que j'appelle mon époux, donc c'est dans ce sens-là. Donc, le progrès, c'est quelque chose que je devrais penser comme ça, je devrais aligner ma tête, mon cœur, dire, je veux progresser. Je veux progresser dans ces domaines-là, parce que j'en ai besoin, parce que dans le monde que je suis, j'ai besoin de progresser. J'ai besoin de progresser avec les frères et sœurs, j'ai besoin de progresser dans ma compréhension, pour qu'on puisse, ensemble, attendre le Seigneur Jésus-Christ en vivant l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, l'Évangile de Dieu. Tournez avec moi maintenant dans Galates, chapitre 2. Dans Galates chapitre 2, Paul est en train de démontrer qu'il n'est pas sous l'autorité apostolique, mais que lui-même est un apôtre. Que lui-même n'a pas besoin d'aller voir Pierre et Jacques pour savoir quoi dire ou savoir quoi enseigner. Lui, Jésus lui-même l'a enseigné. C'est ça qu'il est en train de débattre dans le passage. Donc, il est en train de dire, moi, là, ce que je vous ai annoncé, je ne l'ai pas reçu des hommes, je l'ai reçu de Jésus lui-même. Je n'ai pas été consulté Pierre, puis Jacques, puis Jean à Jérusalem. Jésus lui-même. Les gens qui vous troublent, là, qui vous parlent de vous devez vous faire circoncire pour être sauvés, d'où est-ce qu'ils apprennent leur information? Ceux qui vous troublent, où est-ce qu'ils apprennent leur information? Moi, je l'ai eu directement du Seigneur Jésus-Christ. Finalement, je connais assez les apôtres pour savoir qu'ils ne prêchent pas ça non plus. Là. Mais si vous voulez, comme ils ont fait à Antioche, si vous voulez, on va partir une gang, on va aller voir les apôtres. Quelqu'un me disait hier que, ouais, mais la première génération de chrétiens était un peu handicapée, les autres n'avaient pas toute la Bible. Oui, je dis oui, ils l'avaient oralement. Lui, il y avait les hommes qui ont écrit la Bible avec eux autres. Donc, il y avait besoin de la Bible. En disant, ah ouais, ok. Bon. C'est fun d'avoir des arguments, même de temps en temps. Tu peux leur dire, j'ai raison. C'est le fun quand on a raison, hein? C'est pas qu'ils ont raison, bibliquement parlant, en plus. Ils n'ont pas été handicapés, eux autres, à cause qu'il n'y avait pas la Bible. Il y avait les hommes qui étaient là. C'est comme les apôtres n'étaient pas handicapés quand ils étaient avec Jésus. Mais non, t'sais, Jésus était là. Donc, c'est automatiquement. Donc, il a l'apôtre Pierre, qui est appelé ici Céphas, va venir de Jérusalem vers Antioche. Donc, Pierre vient, va se promener, il va visiter les églises, puis il va rencontrer les croyants, parce que chez eux, sa tête est mise à prix dans le coin de Jérusalem. Donc, il a fui vers les pays en dehors un petit peu, parce qu'on voulait tuer Paul, Pierre, qu'on venait de tuer Jacques, on avait en tête à Jacques, puis Pierre s'enfuit pour le souvenir, il est sorti de prison par les anges, là, il a rencontré l'église, puis ça, il est parti, il allait se cacher un peu. Donc, il a parcouru un peu les églises. Et Pierre était, je crois, en partie l'apôtre des Juifs. Et il y avait des Juifs dans quasiment toutes les églises que Paul commençait. Et Paul et Pierre allaient puis fortifiaient les Juifs. Tu sais, dans le sens que, je vous comprends, je suis un Juif, parce que je sais ce que vous voulez, je vais partager des choses. Donc, Pierre se ramasse là. Et pendant qu'il est là, il arrive des gens de Jérusalem. Il y avait des gens supposément envoyés par Jacques. Et il avance là, Pierre, il est assis dans l'église et il mange avec les gens qu'il y a. Hommes, femmes, païens, juifs, il mange avec le peuple de Dieu. Mais quand les Juifs arrivent de Jérusalem, Pierre, en tout cas, il. Par crainte des hommes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je mange avec des païens, avec de la nourriture non cachère. Et dans son ignorance, je sais pas quoi, mais il décide qu'il quitte la table où ce qu'il était, puis il va aller s'asseoir juste avec les Juifs qui arrivent de Jérusalem. Et ça, voyez-vous ce que je vous dis des fois? C'est pas tellement dramatique, ça, là, le chant de table. Mais Pierre et Paul, il dit, tu n'agis plus selon l'Évangile en faisant ça. Donc notre conduite est là, hein? Notre conduite démontre qu'on a compris l'Évangile ou pas. Là, c'est juste une question de bouffe, là, avec qui tu manges, là. Puis, tu sais, Pierre, puis là, Paul va intervenir, puis il va dire, Pierre, tu n'as pas le droit, là. Tu n'agis pas selon l'Évangile. Ta conduite, là, de vouloir te retirer avec des Juifs, démontre que tu es en train de dire qu'il y a une, les Juifs ont quelque chose de spécial, les Juifs sont un peuple spécial, les Juifs sont des sauvés spéciaux. Non, non, tout le monde ici, là, on est pareil, là. Qu'on soit Juif ou Grec, on est tous pareils. L'Évangile a enlevé les barrières du judaïsme, du paganisme, des hommes et les femmes. On est tous ensemble ici, là, des chrétiens qui sont aimés par le Seigneur. Donc, toi, ta conduite ne manifeste pas que tu as compris que le peuple de Dieu, maintenant, c'est nous. Tout le monde, on est tous égaux. Donc, repens-toi de ça, mon père. Reviens. Si tu veux manger avec les autres un soir, avec les autres un autre soir, je suis correct, je peux comprendre ça. Okay? Mais viens pas maintenant. Puis son motif était la crainte des hommes. Donc, ça, on sait que c'était pas correct. Donc, on voit que même Pierre, pendant que qui vit sa vie d'apôtre, fait des gaffes aussi. Là. Il avait quand même eu l'oreille de la nappe avec les Mais pourquoi est-ce qu'il pense ça? C'est parce que maintenant qu'il comprend la position de Jérusalem, qui se voyait peut-être spéciale à ce moment-là. OK. Parce que lui, pourquoi il aurait. Il faut qu'il ait peur d'eux autres si les autres comprennent comme lui. C'est parce que les autres comprennent un peu différent. Ou ne sont pas rendus. Ça a été un débat pendant 30-40 ans, cette histoire de Juifs et de Grecs et de païens. C'était très difficile d'arriver à dire, là, on est tous égaux ici. Là. C'était très difficile pour l'Église de penser ça. Ça a pris la puissance de Dieu, du Saint-Esprit pour amener tout ce monde-là à dire, OK, on est une Église. Mais tu sais, la crainte des hommes, en même temps, quand tu te mets de côté, tu fais ça avec des gens, là, tu les rejettes hein, au nom de ta crainte des hommes. Les autres aussi, ils ne seront pas contents de toi. Là. Qui les autres? C'est qui les autres? Ceux avec qui ils étaient assis. Ah oui, les non-juifs. Oui, eux autres aussi, là, ils pourraient avoir une crainte aussi de leur réaction, mais la crainte la plus forte, c'était celle des Juifs. Moi, je parce que là, il est en train de laisser passer un faux message. Il n'était pas honnête, comme on dit. Il n'était pas honnête envers tout le monde. Donc, je veux faire plaisir aux autres, mais les autres ont dit, mais on est-tu moins chrétiens? Nous manque-tu quelque chose? On est-tu inférieur parce qu'on est des païens, nous autres, là? Puis Pierre, Paul, qui est l'apôtre des païens, il se lève sur ses deux gonds, mon gars, il dit, Pierre, mais ce que j'aimerais qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va voir ensemble pendant le repas du Seigneur, c'est qu'est-ce que Paul va dire à Pierre pour qu'il change sa façon d'agir, pour qu'il puisse dire, hey, la prochaine fois, ça va arriver, je ferai pas ça. Puis on sait que Pierre va changer son attitude, puis va finalement accepter tout le monde, puis il va rester à part, puis il va continuer. Okay? Il va comprendre, je crois, par l'enseignement de Paul, qu'il a fait un mauvais choix, puis qu'il ne doit pas faire ça la prochaine fois. Mais regardons ce qu'il dit au verset 15. Nous sommes juifs de naissance. Là, nous, là, c'est moi puis toi, Pierre. Nous, les juifs, là, hein? Moi puis toi, Pierre, là, on est juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Il était pécheur chez les juifs aussi, là. Mais. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Le geste de Pierre était conditionné par la loi. OK? Le geste de Pierre était conditionné par son arrière-plan judaïque. Tu manges pas avec des païens. C'est ça, la nappe de tout à l'heure voulait convaincre Pierre à trois reprises. Pierre va annoncer l'évangile aux païens. Je veux que les païens fassent partie du peuple. Non, ça y a pris trois fois avant qu'ils décident d'y aller. Puis même là, puis quand il revient, l'Église est en train de lapider Pierre. Il lapide Pierre parce qu'il est allé manger avec des païens. Annoncer l'évangile à des païens. Ils ne comprennent pas encore là, qu'il va avoir. Oui, oh, ouais, ils sont sauvés, mais. C'était un petit peu à distance. Nous autres, on mange cachère, puis on est purs, nous autres, les juifs. Là, non, il faut changer cette façon-là. Là. Donc, il dit à Pierre, même si nous, on est juifs de naissance, qu'on n'est pas des païens par naissance, des pécheurs parmi les païens, nous autres aussi, on a voulu croire à l'évangile pour être justifiés. Il dit ça, on a besoin de Jésus-Christ, nous autres aussi, comme les autres, comme les païens. Il dit, nous aussi, on a cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés. La loi ne nous a pas justifiés. Donc, il dit, c'est par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, que, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc, Pierre il semble traîner avec lui une espèce de d'arrière-plan de, que ouais, mais la loi finalement ça venait de Dieu, ça, là, c'était bon, c'est Dieu qui l'avait donné, puis ils traînaient ça comme ça leur donnait un petit peu, comment est-ce qu'on appelle ça, un petit peu step de plus, hein? un step de plus. Un petit avantage sur les païens. Les Juifs étaient très fiers d'être Juifs avant l'arrivée du Messie, là. Puis ils ont resté fiers après, c'est ça qui les a fait tuer le Messie finalement, parce que le Messie était en train de leur dire, je vais aimer tout le monde, je vais sauver tout le monde. Donc, voyez-vous aussi le tourneux que Paul fait avec Pierre, il dit, hey Pierre, tu étais Juif, mais j'ai dit, tu n'as pas été justifié par la loi, et maintenant pourquoi tu ramènes la loi ici comme de quoi tu vas te séparer des autres? La loi ne nous a pas justifiés. C'est la mort de Jésus-Christ qui nous a justifiés. Donc, en prenant le repas du Seigneur, j'ai parlé de ça hier avec mes... Tu sais, vous savez comment je peux en dire gros hein, en deux ans. Avec mes deux petites filles, hier, j'ai dit... C'est une des, on parlait de ça, comment cette vie, ça pouvait être en difficulté des fois. Et savez-vous que le repas du Seigneur, c'est une des belles façons de rester attaché à l'Évangile? Mais il m'a regardé. Là, la plus jeune avait la tête sur son téléphone pendant que je parlais. Puis quand j'ai dit ça, elle a relevé. Le repas du Seigneur, c'est une des choses qui va nous aider à rester attachés à la foi. Là, elle a levé la tête. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire, mon papy? Elle m'a dit, on essaie d'expliquer. Le repas du Seigneur, c'est ça qui nous garde de penser qu'on va être justifié d'une autre façon. Parce que votre tendance humaine, vous n'êtes jamais satisfait de la grâce. L'humain n'aime pas la grâce. L'humain, lui, veut gagner son ciel. L'humain veut mériter la bénédiction de Dieu. La grâce, c'est une insulte à l'humain. C'est une insulte à l'orgueil. C'est une insulte. Donc, quand je ramène la grâce, c'est obligé de dire, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Reviens, la seule façon que tu peux être justifié, c'est par la mort en Jésus-Christ. Peu importe que tu sois un juif ou un païen, homme ou femme, noir ou blanc, vieux ou jeune, la seule chose qui peut te justifier aux yeux de Dieu, c'est ce que Dieu a fait lui-même. Okay? Donc, il dit à Pierre, la prochaine fois, reste donc assis avec tout le monde. Okay? Ne va pas laisser penser aux non-juifs qui vont gagner quelque chose ou qui n'ont pas le prestige ou le statut des juifs. Que les autres mangent cachard dans leur petit coin et que Dieu les aime plus. Fais pas ça. Donc, en prenant le repas du Seigneur, nous, on se motive mutuellement, c'est-à-dire, la seule chose qui a pu me justifier, c'est la mort de Jésus à la croix. Et je vous en parle. La croix, c'est pas un acte de pardon. La croix, c'est un acte de justice. Dieu juge. Devant lui, il y a un coupable, qui est Jésus, parce qu'il a pris les péchés du monde. Dieu, lui, voit un coupable. J'ai déjà parlé, quand on parle de fête noire de midi à 3 heures, ça, c'est le moment où Jésus part à midi, selon ma compréhension. La noirceur représente l'absence de Dieu. C'est pour ça que Jésus va crier, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu lui voit un coupable qui est là. Puis même son propre fils qui est coupable avec le péché, je ne peux pas être en lien avec ça. Là, et là, il va condamner, là, il va frapper de mort ce coupable-là, parce que c'est ça que le juge doit faire. Il y a un grand débat dans l'Église, puis de garder l'équilibre entre la justice et la grâce. Pourquoi a-t-il besoin de... Pourquoi la justice, est-ce que la justice est plus importante que la grâce? Pourquoi ne peut-il pas me gracier sans avoir fait justice avant? Pourquoi Dieu n'a pas juste dit, je vous pardonne, vous m'avez fait des blasphèmes, des injures envers moi, là, je vous pardonne. C'est pourquoi il n'a pas pu faire ça. Pourquoi il a dit, je ne peux pas faire ça. Je suis juste. Dans ma justice, il faut que je vous détruise toute la gang. Là. Dans ma justice exige que je fasse mourir. C'est pour ça qu'il dit dans Romains, comment a-t-il pu montrer sa justice tout en justifiant le coupable? Un juste qui justifie un coupable, on va tout le traiter d'injuste. Tu ne peux pas justifier un coupable. Il faut que tu le fasses envoyer en prison. Il faut que tu le punisses. La justice demande ça. Donc Dieu dit, je vous justifie en Jésus. Mais à quoi vous allez être juste? Là, je vais vous offrir le pardon. Parce que ma justice est satisfaite. Là, ma grâce va se manifester. Parce que moi, c'est la grâce, ce qu'elle fait, là, c'est que c'est pas juste je te pardonne, mais je ne veux plus boire. OK, tu n'es plus coupable, là, mais reste dans ton coin. Là, c'est pas ça. Là. La grâce va venir chercher celui qui a été justifié et dire, je vais agir envers toi maintenant comme si tu n'avais jamais fait de péché. Tu es mon fils maintenant. Tu es ma fille. Je vais t'aimer comme si tu n'avais jamais fait de péché parce que maintenant, tu n'es plus coupable, tu es juste. Donc, moi, j'aime ça, les justes. Donc, les coupables, je ne les aime pas. Mais les justes, je les aime. Et là, moi, par la foi, c'est ce qu'on va montrer en prenant le Seigneur, ma foi dans cet événement-là, qu'est la mort de Jésus-Christ. Donc, c'est comme ça qu'on démontre qu'on est justifié par la foi, seulement, sans les œuvres de la loi. Donc, le repas du Seigneur, c'est juste pour nous garder, parce qu'on a une tendance à partir vers la loi, vers les œuvres, vers la religion, on a tendance, il y a quelque chose en nous qui nous pousse dans cette direction. C'est fort, fort. Mais en même temps, là, de se rappeler que tu peux bien faire tout ce que tu veux de ce côté-là, mais tu ne seras jamais justifié. La seule chose qui justifie, c'est ça. OK? Donc, je vais demander, c'est qui l'a fait la semaine passée? C'est vous autres? C'est pas les Ross, c'est vous autres. Allez-y, vous autres, là. Je vous ordonne, allez-y. Mais dans le fond, Dieu, sa grâce, c'est d'avoir pourvu à la justification au travers de Jésus-Christ. Non, ça c'est sa justice va être satisfaite. Donc la grâce, c'est plus le fait que... Parce que Dieu ne nous a pas soustrait à la colère. Il y a peut-être la colère. Justement, oui, mais justement, Tu me résumeras la fin. En pourvoyant à l'agneau, c'est quand même lui qui a pourvu à ouais. L'agneau qui est Jésus-Christ. Oui, si je veux rentrer cela dans un sens général, je pourrais dire que ça manifeste l'amour, la bonté de Dieu. Mais le mot, c'est pour ça que l'apôtre Paul, il ne parle pas de grâce, il parle de justice. Je crois que tu pourrais englober la grâce dans tout ça, puis dire la bonté de Dieu. Mais quand tu veux être spécifique dans les gestes que Dieu a fait, il a fait la justification, il a fait la sanctification, il a fait... C'est tout ça, on pourrait mettre ça tout sous le parapluie de la grâce, là. Mais la grâce, c'est comme... C'est quand je cherche le mot grâce, c'est que je ne te donne pas ce que tu méritais. Donc, je te donne quelque chose que tu ne méritais pas. C'est ce qu'on appelle la grâce. Je te donne mon amitié, mon amour, mon intimité, mais tu ne méritais pas. Donc, mais c'est pas grave si tu dirais que ça fait partie de toute ta grâce. Mais des fois, il y a des textes comme aujourd'hui, ce qui nous présente la mort de Jésus-Christ, pas comme un acte de grâce, mais comme un acte de justice. Nous ne pouvons pas être justifiés à part que par la mort de Jésus-Christ. Donc, moi, ça ne me dérangerait pas que tu me mettrais sur le chapeauté de toute la grâce et tout ça. Est-ce que sa sanctification qui m'a accordé, c'est une manifestation de sa grâce, je pourrais bien dire oui. Puis la foi qui accorde, c'est ta grâce, je pourrais dire oui. Mais ce qu'on essaie d'être spécifique à certains moments donnés, selon les textes qu'on étudie. Donc, des fois, la grâce peut impliquer plus. Ce qu'on appelle des fois la grâce générale pour l'humanité entière, la grâce spécifique pour les enfants de Dieu. Donc, c'est quand on veut être un peu plus pointu pour expliquer certains textes, là, on essaie de garder les mots. Comme dans ce texte. Ouais, ouais. Là, c'était de la... Donc, je me dis, OK, moi, je veux être juste parce que je ne peux pas rentrer en présence de Dieu. Si Si je ne suis pas juste, donc je veux être juste pour entrer dans la présence de Dieu, la seule façon de l'avoir, c'est de croire à la mort jusqu'à la croix. Donc, quand je le fais, Dieu m'accorde la justice. Donc, par affiliation, je deviens juste. N'est-ce pas ce sens-là? Donc, le Seigneur Jésus, pendant le prix du pain, le soir, avant de partir à la croix, il dit, je brise le pain devant vous, et le pain manifeste que mon corps va être aussi déchiré comme ça. Et celui qui déchire, fondamentalement, c'est Dieu. C'est pas les Romains. C'est Dieu. Isaïe nous fait partie de ça dans cette. Il a pris plaisir à faire souffrir le Fils. C'est drôle pour nous de se faire dire ça comme ça. Hein? Mais lui, il voit le résultat. Il sait qu'en faisant ça, il justifie le peuple de Dieu et il va ressusciter le Fils. Parce que lui, il connaît toute l'histoire. Il va ressusciter le Fils après. Et là, il va pouvoir pardonner, il va pouvoir sanctifier les gens dans ce sens-là. Donc, en mangeant le pain, on démontre qu'on croit que ces souffrances à la croix nous ont justifiés sans les œuvres de la loi. Mangeons ensemble. Ensuite, en prenant la coupe, il est en train de dire, je ne vais pas m'arrêter à la souffrance, je vais aller jusqu'à la mort, parce que le sang représente la mort. Je vais aussi mourir pour vous. Je ne vais pas juste souffrir pour vous, mais je vais mourir pour vous. Les souffrances vont être assez fortes, qui vont m'amener à la mort. Et pour nous autres, c'est un langage très bien rodé dans la tête des Juifs qui ont fait des sacrifices, qui avaient du sang. Donc, en parlant de sang, pour nous autres, ils savent que c'est la mort. Comme le sang de l'agneau pascal, l'agneau était mort. Quand on mettait du sang là, sur les potes, là, ça veut dire que la bébête était morte en arrière. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il le voit. Donc, en buvant le sang, nous, on dit, ta mort est devenue notre mort. Donc, on est justifié par la foi. C'est fort, la filiation par la foi. Hein? Par la foi, je m'affilie à quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans, puis ça me donne le bénéfice de la mort de l'autre personne. Tout un phénomène divin, je peux le dire. OK, on buvons ensemble en se rappelant qu'il est mort pour nous. Prenons un moment de silence, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, nous venons de proclamer par le geste qu'on a fait du repas notre foi dans la justification par la foi en Jésus-Christ. Nous comprenons que c'est la seule chose qui pouvait arriver pour qu'on puisse justifier. Il n'y a rien d'autre. C'était le seul moyen par lequel on pourrait être justifié. On te demande aussi, Seigneur, que on ne fasse pas comme Pierre, qui des fois, par crainte des hommes, ne manifesta pas l'Évangile comme elle aurait dû être manifestée. Fait que nos vies manifestent l'Évangile de Dieu dans notre quotidien. Ça ne va pas nous justifier plus. Ça va juste glorifier Dieu plus. De manifester que nous sommes des gens qui croient en Jésus-Christ. Donc, Seigneur, donne-nous ce privilège de te glorifier, privilège de t'annoncer de différentes façons, tant par nos bouches que par nos œuvres, que nous faisons ces œuvres qui manifestent l'Évangile de Dieu. On te remercie, Seigneur, que tu veux bien nous utiliser dans ce monde. Nous sommes la lumière, je pourrais dire ça, des gens qui vivent dans les ténèbres, mais ta façon de faire briller la lumière présentement, c'est l'Église. C'est nous. Nous sommes devenus des enfants de lumière. Nous sommes dans un monde de ténèbres et on aimerait, Seigneur, que dans ta bonté, dans ta grâce, tu puisses nous utiliser pour te glorifier dans ce monde. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.